Le titre de la conférence ce soir, c'est l'homme maître-esclave. C'est pas l'homme maître ou esclave, c'est maître-esclave, avec un trait d'union entre les deux. Alors ça me paraît déjà bien ambigu. C'est comme si y avait un doute dans mon esprit. C'est comme si tu ne t'étais pas branché, maître ou esclave. Alors, explique-moi un peu ce concept-là d'homme maître-esclave. Disons que pour moi, l'homme, c'est quelque chose de différent de ce que l'homme pense que c'est. Et pour moi, maître-esclave, c'est un mot. C'est pas deux mots. Et c'est un très bon synonyme de l'humanité. Qu'est-ce qu'un maître? Un maître est celui qui maîtrise, et on peut, par, disons, extension, dire que c'est aussi celui qui dirige, qui ordonne, qui coordonne. Et l'esclave, normalement, va être celui qui est assujetti au maître. Donc, celui qui reçoit les ordres, celui qui les accomplit, celui sur qui on va mettre notre colère lorsque ce n'est pas correct. Maître-esclave, l'homme, c'est celui qui se donne des ordres qui ne sont pas nécessairement intelligents et qui s'évertue à obéir aux propres ordres qu'il se donne. Autrement dit, on a les deux dimensions en nous. Chez l'homme. On parle souvent de polarité, de dualité, et l'homme, en plus d'avoir une vision intellectuelle et une vision intuitive, il est dans son comportement psychologique et le maître et l'esclave. De temps en temps, certains grands philosophes ont vanté l'homme d'être le sentier et celui qui parcourt le sentier, d'être la montagne et celui qui monte sur la montagne. Eh bien, moi, je peux donc aussi vanter l'homme d'être le maître et l'esclave. Quand tu parles de l'homme, c'est pas par misogynie, là. Ça inclut la femme aussi. Je parle de la femme, je parle de l'enfant, je parle de l'humanité humaine, je parle de l'humain. Maintenant, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? On va souvent dire sa capacité intellectuelle. D'autres vont dire sa capacité spirituelle. On a des animaux qui sont capables d'aimer l'homme. Donc, ils ont une certaine phase de développement spirituel qui n'est peut-être pas reliée à des dieux, encore qu'on a des troupeaux d'animaux reliés par des esprits-groupes qui font de temps en temps, qui déifient presque de temps en temps certains des leurs, chez les loups par exemple et chez certains autres animaux. Certains, évidemment, l'humain peut dire que ce n'est pas de la spiritualité dans le sens divin de l'homme. On a des animaux qui arrivent à avoir une forme d'intellect qui tend à se développer. Maintenant, il faut bien comprendre que tant que l'animal n'a pas un corps permettant à un cerveau de s'exprimer, il ne peut pas non plus avoir un cerveau extrêmement intelligent. Hein? Lorsqu'on a un chien, par exemple, si un chien devient intelligent comme l'homme, qu'est-ce que le chien peut faire avec ses pattes? Alors, il sait, comme objet, comme, disons, membre préhensile, il a sa bouche. Alors, il ne peut pas bâtir un avion avec sa gueule. Bon, alors, quelle que soit son intelligence. Par contre, moi, je fais une différence entre l'homme animal et l'homme nouveau. Entre l'homme maître-esclave et l'homme maître. Et l'humanité, présentement, est un maître-esclave. C'est-à-dire que c'est le maître. Celui qui décide, c'est même un créateur. L'homme est une espèce de créateur qui s'évertue à s'agenouiller devant ce qu'il crée. Et c'est un comble monstrueux de l'orgueil humain que de trouver sa création plus belle que celui qui crée. Et c'est souvent ce que l'homme fait. L'artiste, par exemple, va déjà avoir l'impression que l'œuvre est plus belle que lui. Plusieurs artistes, que ce soit des savants, que ce soit des médecins, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des bâtisseurs, des architectes, ont souvent l'impression que ce qu'ils créent est supérieur à ce qu'ils sont eux. De ce fait, il va protéger sa création, un peu comme lorsque la mère a un enfant, elle peut, chez l'animal c'est la même chose, c'est plus développé chez l'homme, elle va être capable de mettre sa vie en danger pour préserver l'enfant. Dans certains contextes, on pourrait penser psychologiquement que ça a un certain sens. Maintenant, l'homme est une espèce de créateur, mais qu'est-ce que c'est qu'être créateur? Et le maître, esclave, je répète que c'est l'homme qui crée et qui s'assujettit à ce qu'il crée. Exactement comme celui, et d'ailleurs on a un exemple avec la prison le nom m'échappe, c'est aux États-Unis, une immense prison qu'ils ont bâtie sur une île à un moment donné, et l'architecte même de la prison a été le premier client de la prison. C'est pas Sing Sing? Non. Alcatraz. Alcatraz, exactement. Alors, l'architecte a été le premier, le client de cette prison. Et c'est exactement ce qui fait ce qui se passe chez l'homme. L'homme crée et s'assujettit à ce qu'il crée. De ce fait, l'homme s'instruit lui-même de sa médiocrité. De ce fait, l'homme refuse de se voir comme il est, parce que l'homme, à la longue, de par sa propre éducation, par sa propre auto-éducation, il ne peut pas supporter le poids de sa connaissance. Et il transfère le poids de sa connaissance dans ses créatures et il s'assujettit à écouter sa créature. Exactement comme celui qui finit par mettre plus d'importance sur son automobile que sur lui. Il est assujetti à ce que l'homme a créé. Vu que nous vivons en collectivité, il est évident que ce n'est pas moi qui crée l'automobile, mais l'humain crée des choses et l'humain s'assujettit à ces choses. Maintenant, quand tu parles de créer et d'être assujetti à ce qui a été créé, est-ce que c'est seulement au plan physique? Non. Ou il y a d'autres dimensions? Là, le maître-esclave, c'est au niveau psychologique. Et le niveau psychologique va assujettir l'homme au niveau de la matière. Qu'est-ce que créer? Lorsque je crée, je peux par exemple créer ou penser créer, croire que je crée, lorsque j'exprime une idée. Mais cette idée, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est une idée qui me vient soudainement et que j'exprime? Si l'idée me vient, qui fait venir cette idée chez moi? Est-ce que je crée? Ou si j'exprime quelque chose d'autre, d'autre que moi? Si je dis non, l'idée vient de moi, comment pouvons-nous savoir qu'une idée vient de nous? Comment pouvons-nous savoir que nous pouvons créer de cette façon? Si nous prenons, le verbe créer dans le sens alchimique de transmuter, c'est-à-dire de prendre quelque chose comme du bois, de le couper, de le fendre en planches et de bâtir une maison. J'ai créé dans le sens « j'ai transformé la matière ». Mais est-ce que l'homme est un créateur authentique ou si l'homme n'est que l'expression d'une énergie créatrice? Si l'homme... Oui? Je te le demande, oui. Oui, bon, alors je vais répondre, justement. Ça va bien, on est sur la même longueur d'onde. Lorsque l'homme crée, lorsque l'homme transmute la matière, lorsque l'homme transforme quelque chose, à quoi est-il assujetti? S'il est le véhicule d'une énergie intentionnelle, de l'énergie créatrice, il est un véhicule qui colore cette énergie. Parce que lorsque l'homme a pensé, par exemple, de voler, plusieurs personnes sur la planète ont capté cette énergie de création d'un instrument volant, mais chacun l'a exprimé à sa façon, dépendant du réceptacle qu'était chacun, qu'est l'homme. Les gens positifs ont inventé l'avion et les gens négatifs ont inventé le parachute. Ou le sous-marin, oui, bon. Effectivement. Alors donc, je crée. Lorsque, disons que présentement, l'homme ne crée pas, l'homme transmute. C'est beaucoup plus proche de la réalité. Certains individus au niveau de théologie vont dire que l'homme est un créateur et que l'homme a été créé à partir de rien. Maintenant, nous reviendrons plus tard sur ce mécanisme du rien. Lorsque je crée quelque chose, lorsque une idée vient chez moi et que je l'exprime, je crée donc un nouvel instrument. J'ai pris une énergie et je l'ai exprimée. J'ai pu la colorer, c'est-à-dire, je vais dire, je l'ai raisonnée. Mais en réalité, c'est que je l'ai tellement déformée par ma psychologie que je dois la rectifier par mon intelligence, disons, intellectuelle. Moi, j'appelle ça de l'intellectuance. Je dois la rectifier par l'intellectuance pour, après ça, la mettre dans la matière. J'ai créé. Mais jusqu'à ce stade, disons que l'homme planétaire est un créateur vu le contexte limitatif des lois matérielles et des lois de l'évolution planétaire. Mais l'homme crée dans d'autres sphères. L'homme crée dans des mondes parallèles. L'homme ne fait pas juste créer dans la matière. Lorsque l'homme crée dans les mondes parallèles, premièrement, on doit définir convenablement ce qu'est ce monde parallèle. Un monde parallèle veut dire un monde qui suit le même chemin que le nôtre, mais qui n'est pas dans la même dimension. Exactement comme lorsque je place un bras et que je place l'autre bras, les deux sont parallèles. Ils ne sont pas fusionnés l'un dans l'autre. Ils sont parallèles. Comme ceci, ce n'est pas parallèle. Alors, il y a des mondes parallèles. Chez l'homme même, il y a le corps physique. L'homme a des émotions. L'homme a peur. L'homme a faim. L'homme a soif de connaissances. L'homme veut voyager. L'homme a des angoisses. Il y a un monde parallèle au corps physique chez l'homme, ce qui crée l'homme. On peut appeler ça l'homme psychologique. Dans la psychologie, l'homme est un créateur au même sens que dans la matière, c'est-à-dire que l'homme transforme. Si vous avez, à un moment donné, si on vous amène une idée et que l'idée, vous la transformez, vous faites une peinture. On peut dire, c'est ma création. C'est l'ego qui s'affuble du mot « ma création ». D'ailleurs, on doit remarquer que la majorité des langues possèdent. Et ça, c'est un handicap qui va changer au niveau de l'homme nouveau. Alors, ma femme, mon ami, ces choses-là ne pourront plus exister à un moment donné. Le vocabulaire va changer de façon à ce qu'on ne possède plus jusque dans le langage inconscient de l'homme. Alors, notre création, à un moment donné, j'ai l'idée. L'idée apparaît. Alors, ce n'est pas mon idée. Je suis le réceptacle de cette idée. Et c'est beaucoup plus près de la réalité que le fait de dire « c'est mon idée ». Et lorsque j'exprime cette idée, j'ai l'impression de créer. Mais en fait, je ne fais qu'adapter une énergie à mes besoins. Je matérialise une énergie, exactement. Et adapter à mes besoins veut dire je la colore selon mes besoins, selon ma propre psychologie, selon mes tendances énergétiques au niveau de l'astral. Mais lorsque j'ai d'autres idées qui ne peuvent pas être exprimées par la matière, la peur, lorsque j'ai le désir d'évoluer, lorsque j'ai le désir ou lorsque j'ai l'énergie culpabilisatrice chez moi qui me fait penser à un moment donné que ma vie est un trou, que j'ai raté ma vie, que ma vie n'a pas de sens. J'ai tout fait et tout d'un coup, je suis comme sur un balcon sans garde-fou, en bas il y a un précipice et on dirait que ma vie s'arrête là. Et je ne sais plus, je n'ai plus le goût de travailler, je n'ai plus le goût de la famille, je n'ai plus le goût de moi-même, je n'ai plus le goût. Ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de matière psychologique ou matérielle pour pouvoir me servir de cette matière comme support à l'énergie intentionnelle ou créatrice qui me traverse. Donc, je peux souffrir d'ennui, je peux souffrir d'angoisse, je peux souffrir de plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une énergie rentre chez moi et que je peux l'exprimer dans la matière facilement, c'est une chose. Mais lorsque l'homme parle, l'homme crée, c'est-à-dire que l'homme transmute, comme il transmute la matière. Si je ne parle pas, il y a une forme de vibration connue sous le nom de silence. Silence potentiel. Il y a toujours des bruits un peu ambiants et des acouphènes dans l'oreille. Silence. Lorsque je parle, je me sers de l'air, je transforme la vibration de l'air et donc je crée. La parole crée. Le verbe peut créer. Et le verbe est l'un des plus grands supports à l'énergie intentionnelle qui traverse l'homme, l'énergie créatrice. Parce qu'avec le verbe, on communique les idées. Avec le verbe, on donne des ordres. Avec le verbe, on peut suffisamment régir la construction d'une ville, la construction de tout ce qu'on a sur la planète. Le verbe crée en ce sens. C'est l'un des plus grands véhicules de l'énergie créatrice. Mais lorsque certaines formes d'énergie sont exprimées par ma parole, elles sont enregistrées. Je donne souvent l'exemple des cassettes audio qui sont de la matière qui enregistre la parole. Maintenant, les murs enregistrent la parole. Tout l'air, tout ce qui est matériel enregistre l'énergie du verbe. Lorsque je parle et lorsque je pense, ça n'a pas la même teneur vibratoire, ça n'a pas la même puissance vibratoire que la parole, mais cela émet des énergies. Lorsque, à un moment donné, 15 personnes ont la même idée, ça, c'est premièrement, on va dire, c'est une preuve de télépathie. Mais la télépathie réelle, c'est lorsque, instantanément, on a la même idée. Lorsque je pense quelque chose et qu'en même temps, tu penses la même chose. Il y a une communication, entre guillemets, non colorée, par personne, intacte. Mais lorsque 15 personnes ont la même idée, cela est la preuve qu'ils n'ont pas la même idée. Ils sont les réceptacles de la même énergie. Ce n'est pas eux qui créent l'idée. Ils ont l'idée. Ils vont l'exprimer. Lorsque je parle, lorsqu'à un moment donné, j'ai peur, j'exprime ma peur. Exprimant cette peur, j'enregistre dans la matière que nous connaissons sous le terme d'astral, dans la mémoire de la planète, ma peur. Tout ce que je vais vivre, tout ce que l'homme va vivre, l'homme va l'enregistrer. Mais l'homme, à l'époque où il a commencé cet enregistrement, c'est-à-dire à l'époque où l'homme a commencé à développer de la mémoire, à l'époque où on a commencé à voir un astral planétaire au niveau de la planète, à l'époque où la mémoire planétaire a commencé à se développer, psychologie planétaire, psychologie collective, les esprits de groupe, ce qui a forcé les êtres individuels, seuls animaux, à se réunir en groupe. C'est qu'ils percevaient dans cette unité une force, un égrégore qui s'appelle l'esprit de groupe et qui pouvait aider, rendre plus puissant le groupe. Chaque être humain devenait plus puissant dans le groupe. Et l'homme n'a pas compris ce mécanisme à l'époque préhistorique, mais l'homme l'a vécu. Parce que l'homme était attiré. L'homme le comprenait dans le monde parallèle de l'astral, sans le comprendre dans son monde intellectuel ou sans le comprendre dans son monde conscient psychologique. Dans son inconscient astral, l'homme le comprenait. L'homme sentait cette force. Donc, l'homme s'est réuni et de ce fait, l'homme a commencé. Il s'est nommé un chef. Le chef est mort. On a créé le culte des ancêtres. Qu'est-ce que c'est le culte des ancêtres? Et je répète bien, on a créé le culte des ancêtres. Culte qui va soumettre l'homme pendant des milliers d'années. Culte qui va faire peur à l'homme pendant des milliers d'années. Certains parmi vous ont déjà été, lorsqu'ils étaient jeunes ou peut-être adolescents ou même adultes, ont déjà eu cette idée, à un moment donné, de prendre quelque chose de matériel, une bague, un pendule, un pendentif, un crayon, une photo, et ils ont soudain donné de l'importance à cet instrument. Cela peut être un terrain aussi, une montagne, un arbre. Et on a commencé à donner de l'importance à cet instrument matériel. Et à un moment donné, on le respectait, l'instrument matériel. Et certaines personnes n'ont pas réussi à se débarrasser de cet instrument parce qu'ils ont peur de violer quelque chose au niveau du respect qu'ils ont envers cet instrument matériel. Et certains ont réussi à s'en détacher à un moment donné, mais ils n'étaient pas sûrs, ils doutaient. Donc, du culte des ancêtres, on est passé à un culte du passé ou de la mémoire. Oui. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que chaque fois que l'homme vit quelque chose, l'homme l'exprime. Et chaque fois que l'homme exprime quelque chose, cela est enregistré dans la mémoire planétaire. Et automatiquement, l'homme a, parce que l'homme vit sous plusieurs plans, l'homme vit dans le plan physique, dans le plan vital, dans le plan astral, dans le plan mental. Et chaque fois que l'homme entre en contact par le biais de son plan psychologique, de son plan astral individuel, avec cette entité d'esprit de groupe, cette entité collective, cette spiritualité collective, l'homme automatiquement reçoit ses énergies de cette région, de cette sphère de l'astral qui a été créée et énergisée par l'homme au cours de milliers d'années. Maintenant, ce millier d'années fait éduque l'homme, peut donner l'impression à l'homme que ces choses ont toujours été. Donc, qu'elles n'ont pas connu de commencement et qu'elles n'ont pas connu de fin, ou qu'elles ne connaîtront pas de fin. Par rapport à l'homme qui peut prendre conscience par l'expérience de la naissance d'un enfant et de la mortalité d'un homme, de naître. Donc, lui se croit limité dans le temps, naissance et mort, et connaît des choses qui n'ont ni naissance ni mort. Lorsque un être en France, à un moment donné, a trouvé une tortue, il l'a conservée. Et lorsque 900 ans après, ses descendants se promenaient, les enfants encore, sur le dos de cette tortue, on a pensé que cette espèce de tortue était immortelle. Et on a créé une espèce de culte qui n'a pas duré longtemps parce qu'à 900 ans, la tortue est morte à 967 ans. Et donc, le culte est parti avec la mortalité de cette tortue. On a quand même créé un culte où on avait la tortue qui, d'ailleurs on a eu le même problème au niveau de l'Inde à un moment donné, c'est de ce qui a aussi amené l'homme à placer la terre sur le dos d'une tortue et de certains éléphants, de quatre éléphants. Et ce qui amène à l'homme l'impression que ce qui n'a pas de début et de fin pour sa psychologie est immortel et donné par les dieux. Donc a de la valeur en fait. Exactement. Un talisman, ça a de la valeur. Le petit pendentif, le crayon, le pendule, la bague, la photo, c'est un talisman. Une icône religieuse, c'est un talisman. Ça a de la valeur. Ça a exactement la valeur que l'homme y place. Mais est-ce que ça a de l'efficacité? Bien oui, ça a de l'efficacité. Et plus cette icône ou ce pendentif, ce talisman, est recréé à l'échelle de la planète et a été utilisé par les anciens, donc l'expérience de ce talisman est mémorisée dans l'astral, plus il a d'utilité ou d'effet. Plus il a d'énergie. Mais le problème, c'est que ce talisman, qui par exemple peut appartenir à différentes religions, un talisman, disons qu'on aurait la petite tortue sur une corde, une ficelle, une espèce de pendule avec une tortue. Lorsque une personne qui croit qui a des résultats, supposément avec ce pendule, elle en a. Mais est-ce qu'elle est capable de prendre ce pendule et de le lancer au bout de ses bras sans qu'il se passe rien chez elle? Non. C'est l'homme, l'humanité qui a créé cette énergie, qui a créé ce support à cette énergie, qui a énergisé dans l'astral le ciel du Nazaréen, cette énergie égrégorienne qui maintenant peut, par l'intermédiaire de ce talisman, servir l'homme. S'il n'a servi pas l'homme. Mais lorsque l'homme n'est plus capable de se débarrasser de ce talisman, il est l'esclave de ce talisman. Parce que l'homme se dit, oui, mais si je le jette, Dieu machin chouette, par exemple, Guru Shuna, ne sera pas content. Je risque de recevoir les foudres de Guru Shuna. Je ne peux pas rentrer dans le temple avec tel ou tel vêtement parce que Guru Shuna risque de rendre mes veaux malades. Il ne faut pas rire. Parce que l'un des talismans qui n'a pas été encore banni par vous ou qui a été extrêmement difficile à bannir par vous, c'est la croix. Et c'est la même chose. Et ce n'est pas parce qu'un talisman est propre à notre culture que ce n'est pas pareil. C'est la même chose. Et ça a de l'efficacité. Ça fonctionne. Mais le problème, c'est que tout ce mécanisme astral a été créé par l'homme au long des temps. Lorsque Moïse a commencé à exprimer l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice, sous forme de monothéisme, lorsqu'il a dit à l'homme que l'homme devait non plus rechercher un Dieu à l'extérieur de lui, mais découvrir le Dieu caché en lui. Il a créé un monothéisme, un seul Dieu. Et à un moment donné, on a eu des commandements. Créés par l'homme qui exprimait l'énergie intentionnelle de l'énergie supérieure, donc on peut dire créé par Dieu, exprimé par l'homme. Mais encore là, ces tables, ce culte et toutes les lois reliées à cela ont été placées par l'homme et ont été énergisées dans le temps astral par l'homme de façon à pouvoir régir une collectivité, un ensemble. Lorsque le prêtre répète inlassablement les mêmes paroles. C'est de la magie blanche au niveau de nos cultes, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la magie blanche, mais il ne fait que réénergiser cet égrégore. Un égrégore chrétien, par exemple, un égrégore musulman, un égrégore hindouiste, un égrégore juif, un égrégore bouddhiste. Il la réénergise. Et plus on aura de fidèles qui vont prier ensemble en même temps, plus on va énergiser cet égrégore, donc plus on va mettre de l'énergie dans le ciel qui est l'astral planétaire, et plus on va pouvoir en bénéficier, si on connaît la clé, si on sait comment cela fonctionne. Cela est énergisé, et les religions le savent. C'est pourquoi on a eu des monastères, on a eu des couvents, où on avait des frères et on avait des sœurs qui ne faisaient rien d'autre que prier pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle donnait du pouvoir à sa religion, aux fidèles de la religion. Donc, elle énergisait ce plan de l'astral et celui-ci pouvait servir pour un exorcisme, pour une guérison miraculeuse, pour entretenir des relations peut-être guerrières, pour par exemple sauver le tombeau du Christ qui était en Terre Sainte, pris par les infidèles, ce qui a lancé les croisades, ce qui a lancé aussi la colonisation dans le but, par exemple, d'amener les sauvages, comme on a eu ici, à un culte humain. Alors, on massacrait ceux qui n'étaient pas humains et on vêtait d'habits humains ceux qui étaient sauvages et qui acceptaient l'humanité. On leur amenait la Bible et puis le whisky et puis la petite vérole aussi. Enfin, tout ça au complet, oui. Et puis, ça, c'est des mécanismes collectifs religieux. Et ce n'est pas la faute de l'homme. Ce n'est pas la faute d'aucun prêtre, d'aucune religion. Ce n'est pas la faute d'un symbole. Ce n'est pas la faute de quoi que ce soit. C'est la faute de l'ignorance. Ignorance collective. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas conscience des mécanismes du passé aller jusqu'à lui-même. L'homme ne connaît pas ses racines. L'homme a de la difficulté à percevoir ses racines et lorsque l'homme fonctionne par un critère presque exclusivement intellectuel et non pas intuitif, il ne peut pas arriver à connaître ses racines. Et lorsque l'homme fonctionne avec un caractère surtout intuitif et non plus intellectuel, il ne peut pas connaître l'authenticité de ses racines. Est-ce que tu es en train de dénoncer l'attachement à la mémoire de la race ou l'attachement à une mémoire collective? Et est-ce que tu prônes la possibilité de créer une rupture avec cette mémoire ancestrale-là? Pourquoi est-ce que cette mémoire nous assujettit, comme tu dis? Bon, alors, tu poses plusieurs questions. Oui. Alors, non, oui, et l'autre, je vais expliquer. Attends, moi, je pourrais poser d'autres questions. Alors, voilà. Qu'est-ce qui fait? Où est le problème? Pourquoi l'homme est-il le maître esclave au lieu d'être un homme? Où est le problème? Alors, j'explique, je prends un certain laps de temps, disons, pour expliquer le phénomène, parce qu'il faut qu'on le comprenne convenablement pour arriver à pouvoir agir là-dessus. présentement, l'homme prie. L'homme prie. Et que l'homme prie dans le christianisme, que l'homme prie dans l'islamisme, que l'homme prie partout, l'homme prie. C'est-à-dire que l'homme espère et l'homme s'en remet à des créatures qui, dans ses livres sacrés, dans ses annales mémorielles sacrées, quel que soit le livre, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, le Talmud, l'homme se fie à ce qui a été écrit dans ce livre sacré par l'homme, rendu sacré par l'homme. C'est l'homme qui adore le livre. Et il se trouve que l'homme, se fiant à ceci, déclare cela ses racines. Mais l'homme ne veut même pas réfléchir à ses racines, de peur que cette racine, c'est dur pour l'homme de fouiller dans son passé, un passé réel, et de découvrir ses racines, de voir que ce qu'il croit être n'est pas ce qu'il est, et de voir que ce qu'il est n'est pas ce qu'il croit être. C'est dur pour l'homme, et pour la femme, et pour l'enfant. C'est extrêmement pénible parce que cela donne une gifle magistrale à l'ego. Cela démolit complètement l'homme. Cela le déshabille de A à Z. Celui qui se croyait blanc se découvre noir. Celui qui se croyait noir se découvre blanc. C'est exactement la même chose. C'est exactement comme si vous étiez raciste, vous détestiez la race noire, et qu'un jour, étant aveugle, on vous fait retrouver la vue. Et vous êtes noir. Vous préférez ne jamais voir. Et vous préférez continuer à adorer, c'est-à-dire à croire et à vivre en fonction de l'interprétation de la réalité que vous avez, que vous êtes un blanc et que vous détestez les noirs. C'est un peu le même phénomène qui va se passer au niveau de l'homme psychologique qui découvre ses racines. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. Lorsque l'homme crée dans le ciel des énergies, si tous ensemble ici ce soir on part une nouvelle religion, un nouveau Dieu, et qu'on se met à énergiser, donc à l'adorer, à prier, à lui parler, on va exprimer de l'énergie vibratoire qui va être enregistrée dans l'astral. Et si chaque soir, un soir par semaine, même pas, chaque soir de la semaine, 3 heures par soir, nous faisons le même culte, au bout de 20, 30 ou 40 ans, ce Dieu va prendre existence. Il aura un pouvoir de guérison. Il aura un pouvoir d'assujettissement. Il aura un pouvoir réel. Le seul problème, ou une chance, c'est que ce genre de création humaine, dans le plan parallèle de l'astral, a le pouvoir que l'homme lui donne. Il n'a aucun autre pouvoir. Alors on pourrait dire que c'est sécuritaire. C'est sécuritaire tant que l'homme le sait. Mais si l'homme ignore que ce monde parallèle de l'astral n'a pas d'autre pouvoir que ce que lui a donné, il donne n'importe quel pouvoir à ce monde parallèle parce qu'il croit que ce monde parallèle a tous les pouvoirs. Il a toutes les possibilités. Il a tous les droits. Il croit même que c'est ce monde parallèle qui gère l'évolution de l'homme. Donc, lorsqu'il s'en fâche quelque part, il dit c'est parce que c'était dû. Donc, il donne le pouvoir au monde parallèle de le faire enfarger quand cela va lui tenter. Lorsque l'homme est malade, lorsque l'homme perd des personnes d'une façon stupide, il croit que c'est un dieu quelconque qui les a appelés. Donc, il donne au monde parallèle le pouvoir d'appeler l'homme. Et il donne au monde parallèle le pouvoir de punir l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable d'assumer lui-même sa propre éducation, il l'a donnée à ce dieu qu'il a créé lui-même. Regardons bien, on a des énergies supérieures à l'homme. Énergies que je n'appellerai jamais dieu. On a des énergies qui sont placés dans le ciel planétaire. Ceux qui manipulent l'homme sont des énergies créées par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme. Et c'est pourquoi ces dieux sont colériques. C'est pourquoi ces dieux ont des armées. C'est pourquoi ces dieux peuvent être frustrés si nous faisons quelque chose qui n'est pas selon leur propre loi. C'est pourquoi ces dieux sont à l'image de nos plus grands dictateurs ou de nos plus grands rois. Ces dieux ont été créés par l'homme à l'image de l'homme. Oh, il y a d'autres énergies supérieures à ces dieux et qui peuvent entrer en contact avec l'homme, énergies que certaines personnes pourraient dire « Ah oui, mais moi, c'est ça que j'appelle Dieu. » Non. L'homme ne connaît pas Dieu et l'homme, le seul Dieu que l'homme connaît est un Dieu qui dirige l'homme, un Dieu qui punit l'homme ou un Dieu qui se fout de l'homme. Lorsque vous faites quelque chose de mal, vous faites un péché et vous allez être puni par un dieu quelconque. Ou vous ne serez pas sauvé. Ce dieu va se foutre de vous. Un dieu créateur de l'homme, créerait-il un homme comme l'humanité présente? Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui est vrai, parce que Dieu a été créé à l'image et à la ressemblance de l'homme, donc nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela est vrai. Si nous sommes à son image et à sa ressemblance, pourquoi l'homme a-t-il si honte de son corps physique? Pourquoi l'homme a-t-il si honte de sa psychologie, de son corps psychologique, de son visage psychologique? Pourquoi l'homme a-t-il si peur d'un Dieu qu'il dit supérieur alors qu'il est à notre image et à notre ressemblance? Et vice-versa. Pour la simple raison que l'homme ne veut pas connaître Dieu. Un jour, un philosophe a dit qu'un Dieu connu n'était plus un Dieu. Et cela est enseigné par les prêtres depuis longtemps. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ne réfléchissez pas trop, vous risqueriez de comprendre. Les énergies, ceux qui, parmi vous, ont besoin d'énergie supérieure, parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas assumer leur être-té réel. Ils ne peuvent qu'assumer une misère humaine. Mais il y a des énergies qui, présentement, sont supérieures à tout ce qui est exprimé chez l'homme. Mais ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas une énergie qui demande à l'homme. Ce n'est pas une énergie qui est frustrée lorsque vous changez de religion. Ce n'est pas une énergie qui est frustrée lorsque vous dites un mot sacré, lorsque vous êtes en colère. Ce n'est pas une énergie qui va être frustrée parce qu'à un moment donné, on ne respecte pas moralement une règle particulière d'une religion particulière. Ce n'est pas une énergie, exemple, comme l'homme. Parce que lorsque nous froissons les énergies divines, c'est que nous froissons l'énergie psychologique qui a le pouvoir de pouvoir souffrir. Et pour ne pas souffrir, elle va punir l'homme. Elle va dire à l'homme, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela. J'ai besoin qu'on m'adore. Donc, prouvez-moi que vous m'adorez, offrez-moi des choses. Priez-moi. Remerciez-moi. Et tous ces mécanismes sont fonctionnels. Ce sont des mécanismes qui énergisent les dieux dans les cieux, pardon, dans le ciel. Ce sont des mécanismes qui envoient de l'énergie dans l'astral planétaire et qui énergisent, conservent, donnent la vie à ce que l'homme a créé. Et lorsque l'homme est le maître esclave, c'est que l'homme a créé ses énergies et l'homme en a peur. L'homme a créé ses énergies et l'homme y est soumis. Et l'homme, quotidiennement, je parle de l'homme, peut-être pas vous, peut-être pas nous, peut-être pas toi. Mais la majorité des humains continuent à énergiser ces dieux parce qu'ils en ont peur. Qui parmi vous n'aurait pas peur de Dieu? Peut-être que vous allez dire, je n'ai pas peur, mais Dieu existe. Parfait. Alors pourquoi n'êtes-vous pas dans la religion de l'islam? Vous n'y êtes pas, pour différentes raisons. Parce que l'islam, c'est autre chose. Mais êtes-vous capable de maudire Allah? Oh non, Allah, c'est sans doute le même Dieu. Alors pourquoi l'islam est différent? Si Allah, c'est le même Dieu. Y a-t-il un Dieu sur la planète que vous êtes capable de maudire? Mais vous n'êtes pas, vous êtes prêt à maudire bien les religions. Mais pas beaucoup de dieux. Il y a un conflit. À l'instant où on affuble le mot Dieu à une énergie particulière, on ne sait plus si on doit maudire ou non parce qu'on en a peur. Qui a inventé le mal chez l'homme? Les forces sataniques, les forces noires, les forces évoluantes. Qui a inventé cela? Elles sont apparues devant l'homme et l'homme a vu ce diable avec la queue et l'homme en a eu peur. On peut dire ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est mauvais? L'homme serait-il la fusion du mal et du bien, dans lequel il se passe une lutte et lutte que le bien devrait gagner? Si l'homme est une fusion de yin et de yang, mal et bien, pourquoi le bien devrait-il gagner, non pas pourquoi le mal? Le mal est mal quand il y a du bien, et le bien est bien et bien quand il y a du mal. L'homme crée des mécanismes qui sont inharmonieux avec les lois qui régissent son évolution. L'homme n'est pas écologiste. De ce fait, l'homme agit mal. Et de ce fait, l'homme souffre. Et de ce fait, l'homme a peur de réagir mal, encore une fois, pour ressouffrir. Et de ce fait, l'homme appelle cela le mal. L'homme appelle cela mal agir. L'homme appelle cela mal faire. Et l'homme invente le péché. Et lorsque nous avons peur d'énergie, pourquoi certaines personnes voient-ils des fantômes et d'autres n'en voient-ils pas? Parce que certaines personnes attirent les fantômes et d'autres ne les attirent pas. Et qui attire le fantôme? Celui qui va avoir peur du fantôme. Celui qui va être capable d'énergiser le fantôme. Celui qui va être capable d'émettre suffisamment d'énergie à l'apparition d'un fantôme pour lui donner corps. pour le conserver, pour que celui-ci revienne s'énergiser de temps en temps. On a un culte présentement aux États-Unis qui monte, d'ailleurs, qui monte extrêmement bien. C'est le culte du diable. Le culte de Satan. Alors qu'on avait presque perdu le mot Satan dans nos esprits, alors que cette énergie était presque disparue, on a plus d'un million de personnes, on a même plus que des millions de personnes présentement qui font partie de l'Église du diable et qui adorent Satan. Ces hommes ne maudiront pas Satan, pour les mêmes raisons que vous ne maudirez pas Dieu. Ces hommes se voient guéris miraculeusement, comme certains ont été guéris par leur religion anti-Satan. Ces hommes ont un pouvoir financier, comme certains autres en ont eu avec leur religion blanche. Ces hommes ont la même chose que ceux qui sont contre Satan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que l'homme énergise un pouvoir dans l'astral et que l'homme se sert de ce pouvoir. Mais le problème, c'est que l'homme n'arrive pas. Qu'est-ce que vous créez? Chaque fois que vous avez peur de la mort, vous créez quelque chose, un nuage dans l'astral qui va vous suivre et qui va vous rappeler de temps en temps que vous avez peur de la mort. Parce que chaque fois que l'homme crée quelque chose dans le monde de l'astral, cette chose est identifiée par l'homme. Elle a un pouvoir d'identification mineure qui fait en sorte qu'elle a peur de mourir. De ce fait, elle tend à revenir chez l'homme pour que l'homme la réénergise, pour que l'homme lui entretienne sa vie. L'homme crée et l'homme se fait un devoir de ne pas tuer ce qu'il crée, même lorsqu'il fait des erreurs. L'homme est comme un général militaire. Le général refuse de se rendre, même à l'évidence. Et l'homme qui a créé, par exemple, différentes peurs, qui a créé différents désirs spirituels, parce que lorsqu'à un moment donné, l'homme se donne une mission, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien, il ne veut rien. Tout d'un coup, il trouve que la société est pourrie. Il a une idée. Idée qui vient d'un égrégore collectif, plusieurs. Personnes ont cette idée. Certains la nourrissent régulièrement. Ils ne font rien, mais la nourrissent. Et là, on a l'idée que c'est pourri. Et là, on regarde la société, et là, il la voit pourrie. Avant, il ne la voyait pas pourrie. Maintenant qu'il a les yeux colorés par l'astral, il voit la société pourrie. Et l'homme se dit, je devrais la changer. Je vais faire une révolution. Et c'est important. Et l'homme part. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Rien. L'homme énergise, et l'homme doit parler pour énergiser, l'homme doit convaincre pour créer un culte, l'homme doit passer de porte à porte pour créer un culte. Parce que l'homme doit parler, parce qu'en parlant, l'homme énergise le ciel, l'homme énergise l'égrégore spirituel qu'il crée, et l'homme énergise sa religion. De ce fait, lorsque l'homme se couche, l'homme voyage dans les mondes de l'astral, et l'homme est visité par ce qu'il a créé, et l'homme se sent réénergisé. C'est sûr qu'un homme va rencontrer un dieu dans l'astral. Certains ne croient plus en Dieu, croient à des maîtres. Ces maîtres existent. Ces maîtres existent comme les dieux existent. Le seul problème, c'est que l'homme les a créés et il y avait une raison intelligente à la création de ces dieux. Mais lorsque le créateur a maintenant peur de ce qu'il crée, qu'est-ce que c'est avoir peur de ce qu'on crée? Je prends un exemple encore plus facile à aller chercher. Bien facile. Mon frère n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il y a eu un accident, hein? Il pleut beaucoup. Et l'autre répond, « Dis pas des choses de même, ça pourrait arriver. » J'ai un petit pouvoir. Alors pourquoi ça pourrait arriver? Pourquoi en as-tu peur? Voyons donc, ça se peut qu'il y ait un accident. Arrête de parler comme ça porte malheur. Pourquoi? Pourquoi ça porterait malheur? Parce que je dis quelque chose et que inconsciemment dans le monde de l'astral, je connais les mécanismes qui régissent l'astral et je sais inconsciemment, d'une façon presque consciente, qu'effectivement, la parole, la pensée a un pouvoir décisionnaire dans le monde de l'astral, ce qui peut influencer un être et lui amener à faire certains gestes. Parce que l'homme crée et l'homme exécute, l'homme reste assujetti. Et pourquoi lorsque je dis « Achète un billet de loterie, tu vas gagner. »« Ben non, je ne gagnerai pas. » Pourquoi l'homme ne dit pas « Elle dit pas ça, je pourrais gagner. » Pourquoi c'est toujours quelque chose de mauvais qu'on pense qui va arriver quand on le dit, mais jamais quelque chose de bon qu'on pense qui va arriver quand on le dit? Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on s'adresse à des dieux qui sont des créations psychologiques de l'homme? En fait, est-ce que la différence que tu fais entre les dieux dont tu as parlé et puis Dieu, ce serait que les dieux seraient des créations qui auraient les caractéristiques de la psychologie humaine et que Dieu serait une énergie indifférenciée? Disons que le mot Dieu, encore, c'est un mot que je n'aime pas. Mais tu en parles tout le temps, ça fait que j'essaie de comprendre, moi. J'en parle tout le temps pour que le niveau d'expression puisse quand même... On n'a pas d'autres mots pour l'instant. De toute façon, quel que soit l'autre mot, le Dieu présent de l'homme, celui qui est presque au niveau, qui est au niveau des énergies supérieures chez l'homme, c'est l'énergie supramentale. Bon, c'est de l'énergie à différencier. Exactement. Ça n'a pas de caractéristiques psychologiques. Absolument pas. Alors, même si tu dis que c'est de l'énergie à différencier, tout le monde va dire que leur Dieu est de l'énergie à différencier. Si c'est l'énergie supramentale, tout le monde va dire que leur Dieu est supramental. Alors, ce qui fait que, quel que soit le mot qu'on va employer, si le mécanisme maître-esclave-créateur n'est pas compris, ça ne change rien. On ne fait que mettre un synonyme, changer de nom, mais on garde le même phénomène psychologique. Effectivement, ce sont des créatures de l'homme, des créatures psychologiques de l'homme, qui font à un moment donné qu'une personne va dire, ça fait juste, regardez juste simplement ceci. Ça fait 15 ans que je répète que je vais avoir un accident avec mon camion. Toujours. Et à un moment donné, j'en ai une. Parce que l'homme crée dans l'astral des choses qui vont par la suite manipuler l'homme dans la matière pour donner raison à l'homme. Tu as placé ta demande. Exactement. Quand on parle, par exemple, de positivisme, on se rapproche, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on se rapproche de l'instruction de ce plan parallèle de l'astral. D'ailleurs, l'instruction, on va revoir ça dans les 4 prochaines conférences du mois de septembre. On va beaucoup parler de l'instruction que l'homme doit faire avec ce monde parallèle. L'homme doit... à partir de constatations mentales, instruire les dieux de ce qu'il attend d'eux. C'est ce que l'homme fait. L'homme le fait depuis le début des temps. L'homme instruit, mais d'une façon totalement inadaptée. Lorsque vous avez un enfant qui, par exemple, les professeurs ou les parents, et vous lui dites, vous suppliez l'enfant d'arrêter de faire du bruit, par exemple. Ça ne marche pas. Et lorsque nous supplions les dieux de nous guérir, de guérir ma tante Ilsa, de nous donner de l'argent, de réparer mon char, de faire qu'il pleuve plus parce que j'ai des cultures en train de mourir, que ça tue toutes les sauterelles parce que j'en veux plus, que ça n'en fasse pousser plus parce que je suis un collectionneur. Lorsque je prie les dieux, je supplie, mais j'instruis ces énergies de ce que je veux. Et si on est 1 million de personnes à instruire les dieux de la même chose, on aura le résultat presque instantanément. Donc, est-ce qu'on peut dire que les dieux sont une mémoire collective aussi? Les dieux sont une mémoire collective. C'est ce qui assujettit dans la haute sphère spirituelle, psychologique, l'homme. Il ne peut rien sortir de nouveau, alors, d'une mémoire collective? Non, il ne sort que ce que l'homme met dedans. Évidemment, c'est transformé, parce que, bon, il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer dans l'astral collectif, comme il s'en passe dans l'astral mémoriel de l'homme. L'homme finit par oublier ce qu'il a appris. L'homme croit avoir appris d'autres choses. Les mémoires se transmutent. L'homme oublie les choses. Et l'homme, recrée du passé pour se rappeler, pour béatifier des moments qu'il a vécu. Et il les rend plus jolis pour aller dire des mouvements qu'il a vécu et qui lui ont déplu, pour les détester encore plus. Et chaque fois que l'homme fait quelque chose dans ce genre, l'homme crée un égrégore. Et tout ce qui est similaire, parce que l'amour, ça existe. L'amour psychologique, mais l'amour qui est une loi simplement d'attraction, existe. Et tout ce que l'homme crée qui est, par exemple, de la haine, se réunit dans le plan planétaire, au niveau de l'astral. Et tout ce que l'homme crée qui est de l'amour psychologique ou de l'amour apparemment, détaché, se réunit dans l'astral et crée le monde parallèle spirituel, l'astral spirituel. Et on a différents astrales jusqu'à l'astral infernal. Mais est-ce que toutes ces créations-là sont obligées un jour ou l'autre de se manifester sur le plan physique? Est-ce qu'il y a une répercussion sur le plan physique? Bon, cela va arriver de temps en temps lorsque une énergie immense qui a un pouvoir, c'est comme l'argent, hein? Lorsqu'une compagnie immense qui a un pouvoir financier, ben lorsqu'il est en train de perdre en vitesse, elle fait de la publicité. Et c'est la même chose qui se passe au niveau du monde de l'astral. Lorsqu'on a un égrégore incommensurablement immense, créé et énergisé par des milliards de personnes au cours de milliers d'années, et que celle-ci est en perte de vitesse à un moment donné, elle s'autodigère. Parce qu'à un moment donné, la religion disparaît. Les dieux qui faisaient peur à nos ancêtres et qui ont été enterrés par nos religions nouvelles ne font plus de mal à personne. Mais elles ont déjà créé des problèmes. Elles ont fait effondrer des cathédrales, elles ont fait effondrer des temples, elles ont fait tomber des statues. À Rhodes, on a eu des problèmes. En Grèce, on en a eu. En Perse, on en a eu. À Alexandrie, on en a eu. En Égypte, on en a eu un peu partout. Mais ces dieux, lorsqu'elles ont... Les dieux romains, entre autres, qui ont été remplacés à un moment donné par le dieu judéo-chrétien, ces dieux causaient des problèmes à l'homme. Jusqu'à temps que manque d'énergie, elle soit, ces religions, vouées à l'extinction, elles meurent. Et ces dieux ne nuisent plus. Ces dieux n'existent plus. Mais les dieux que nous avons présentement, chaque fois que l'homme les énergise suffisamment, ils grossissent, et lorsqu'ils sont en perte de vitesse, eh bien, ils vont être capables d'aller chercher des êtres purs. C'est-à-dire des êtres qui n'ont pas été colorés par l'anti cette religion. Pur dépend du point de vue. Parce que faut bien comprendre que le monoxyde de carbone pur, c'est un gaz pur. Mais que pour l'homme, c'est un poison. Hein? Alors, pur, faut comprendre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on va se servir de ces énergies de ces personnes et on va faire apparaître différents mécanismes, différentes choses qui peuvent réénergiser, publiciser le phénomène et automatiquement, la ferveur reprend et on recommence à croire et à énergiser d'une façon incroyable cette énergie et là, on va disparaître. Pourquoi avons-nous des miracles dans différentes religions et pas que dans la religion chrétienne, qu'on a des apparitions, par exemple, ou des miracles dans plusieurs religions, mais on n'en a pas régulièrement. Parce que ce n'est pas nécessaire régulièrement. Parce que lorsque le produit est vendu, l'homme achète. Et lorsque l'homme cesse d'acheter, on refait la publicité. Et c'est toujours lorsque c'est en baisse qu'il y a une apparition et c'est normal. Mais le problème, c'est encore une fois que l'homme s'agenouille devant ses créatures. Le Nazaréen est le plus bel exemple d'instructeur intelligent de l'homme, intelligent en ce sens qu'il s'est servi de l'incompréhension humaine d'une façon écologique pour ne pas détruire l'homme. Parce que couper les liens complètement avec quelque chose qui supporte l'homme longtemps, c'est presque de tuer l'homme, c'est tuer l'homme. Si on ne tue pas l'homme, l'homme lui-même se tue après. Alors, ce qui fait qu'il faut faire attention. Mais lorsque le Nazaréen est arrivé avec son père dans le ciel, lorsqu'il a transmué ce phénomène et qu'il a parlé de son père dans les cieux, lorsqu'il a dit « je suis », après, il n'y a plus de père. Lorsqu'il a montré à l'homme, d'ailleurs on en a parlé dans une conférence antérieure, lorsqu'il a enseigné à l'homme comment prier, le Notre Père entre autres, Notre Père qui est aux cieux, pour enseigner à l'astral dans le ciel des gens partant qu'à un moment donné, on transmuterait, on passerait par-dessus, on aurait une ascension au-dessus du ciel, et il finit avec, et c'est la première fois que l'homme finissait, même si dans les films on entend cette formule magique, c'est le Nazaréen qui l'a inculqué à la religion, à l'homme, avec ce « ainsi soit-il », ce « Amen », qui veut dire qu'il en soit ainsi, et ça, ce n'est pas une demande, c'est un ordre donné au Dieu. Alors, lorsque je dis « je veux que avoir du pain quotidien tous les jours, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. » Et ces énergies créées par l'homme ont une utilité, parce qu'ils donnent à l'homme un pouvoir beaucoup plus vaste que le pouvoir limité de la matière. Je peux, par l'intermédiaire de la compréhension de ces énergies, avoir créé des événements qui vont être écologiquement en harmonie avec moi ou avec ma société. Donc, cela est bon. Mais cela est bon à la condition que lorsque le pain quotidien, je ne l'ai pas, ben là, il faut qu'il en entende parler. Parce que ce sont des énergies de la psychologie de l'homme qui fonctionnent et qui doivent servir l'homme. Alors, tous les dieux sont créés finalement par nos craintes et nos espoirs. Exactement. C'est ça qu'il est. Continuellement. Crée. Sauf peut-être certains dieux qui, à l'origine, ont été créés par intelligence, parce que cela permettait à une collectivité de se réunir. Cela donnait une énergie de groupe collectif, de créer une société dans le monde de l'astral pour retraduire cette société dans le monde de la matière, dans le monde de l'homme. Et là, il y a une intelligence. Tu groupes l'homme pour que l'homme travaille de concert, comme dans l'astral. Et comme l'amour astral dans le monde parallèle est beaucoup plus facile que l'amour dans le monde de la matière, parce qu'il n'y a pas la distance qui nuit à l'amour dans le monde de l'astral, c'est-à-dire que tout ce qui est similaire se rejoint facilement dans l'astral, tandis que dans la matière, ce qui est similaire ne se rejoint pas parce qu'il y a la limitation matérielle. Donc, on crée ce phénomène sociétaire dans l'astral, cette religion, ou encore ce gouvernement, ce drapeau, cette nation, et cela groupe le monde les réunit. Donc, de temps en temps, on a eu des religions créées par l'intelligence, mais elles ont tous été énergisées par l'espoir et les craintes de l'homme. Et si demain, en supposant qu'on idéalisait une société dans laquelle il n'y aurait ni crainte ni espoir, pas dans un sens de désespoir, là, mais dans un sens de ne pas attendre d'après la divine providence, qu'est-ce qui deviendrait de ces dieux-là? De ce plan astral, là, en fait. Bon. Là. Lorsque ces temps vont venir de toute façon, et lorsque l'homme parle de temps en temps par différents mécanismes apocalyptiques, des mécanismes de lecture de l'astral qui annoncent à l'homme des apocalypses, des guerres et des choses, lorsque l'homme parle de ce genre de temps, de ces temps qui devraient venir dans l'avenir et dans peu de temps, selon certains, il y aura une guerre entre les sans espoir, sans désespoir, donc les maîtres, et les maîtres esclaves, assujettis par les dieux du ciel, et ces hommes serviront d'armée à ces dieux du ciel qui tenteront de réénergiser, de prouver à l'homme conscient que dans sa conscience, il est inconscient. Et évidemment, c'est un mécanisme qui va être extrêmement pénible parce que, encore là, lorsque nous parlons, de toute manière, dans l'astral, il y a toujours des bribes de vérité. De vérité veut dire une espèce de reflet presque non déformé de la réalité. Parce que la vérité, c'est toujours injuste. Il y a, par exemple, lorsque nous parlons des élus, qu'est-ce que c'est l'élu? Ben, l'élu, c'est pas celui qui va passer un vote, c'est pas celui qui a fait tant de bonnes actions. C'est celui qui, à un moment donné, sera là où il doit être lorsque ce sera le temps d'être là. C'est tout. C'est ça, un élu. Et à un moment donné, même les élus pourraient être trompés. Cela veut simplement dire qu'à travers tous les phénomènes du plan de l'astral, il y aura des choses qui vont se passer. On parle du Nazaréen qui revient. Mais on ne parle pas de la conscience spirituelle du Christ qui revient chez l'homme. On parle de l'être qui un jour n'a pas voulu être le chef de rien et qui un jour a dit à l'homme que l'homme ferait des choses comme lui et même plus. Mais l'homme, si tu veux refuser de faire plus, parce que l'homme se dit, si je fais plus, je vais les frustrer. Alors l'homme ne fait pas plus. L'homme qui fait des miracles, la religion ne le reconnaît pas. L'homme qui guérit, on y va, hein, on y passe au cash. Parce qu'on ne veut pas reconnaître. Celui qui marche sur les eaux, c'est un fumiste. Tout le monde sait ça. Seul le Nazaréen doit marcher sur les eaux. Au pis-aller, peut-être Bouddha. Bon, alors ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir effectivement une lutte assez monstrueuse dans l'astral, possiblement dans la matière, entre les forces divines du ciel, donc ces créatures, ces créations de l'homme, qui vont assujettir des armées matérielles, possiblement, de façon... lorsque certains disent que les forces positives, même que le Christ, le Nazaréen, va venir de l'Union soviétique, l'Union soviétique est par définition athée. Elle est croyante, mais pas de la même façon. Elle n'énergise pas des collectivités ou des collections astral comme le reste de la planète le fait. Ils ont leur égrégore qui s'appelle peut-être nationaliste, qui est défini par le terme camarade. Tout à l'heure, nous parlions qu'à un moment donné, l'homme va perdre dans sa phraséologie le terme de possessif, mon mari, ma femme, mes enfants, mon ami. Et en Union soviétique, c'est déjà réglé. Et ce n'est pas ma femme, mais c'est camarade, machin. Bon, mais c'est quelque chose, c'est un antipode. Parce que présentement, sur la Terre, il n'y a pas de synthèse de quoi que ce soit, il n'y a que la thèse et l'antithèse. Mais ces deux mécanismes devront se réunir à un moment donné pour s'autodétruire mutuellement, de façon à ce qu'il ne reste plus rien. Et lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque tout ce qui peut disparaître disparaît, il ne reste que ce qui ne peut pas disparaître. Et c'est souvent ce qui est camouflé par ce qui a des tendances à disparaître. Et tout ce qui peut disparaître est beaucoup plus énergisé par l'homme que ce qui ne peut pas disparaître. Alors ça, c'est très énigmatique, là. Mais encore. Est-ce qu'on peut envisager un monde qui vivrait sans la dimension astrale? Supposons qu'il y ait cette guerre dans les cieux, puis sur le plan physique également, advenant que la dimension astrale soit détruite, est-ce que ça aura l'air de quoi, l'homme de demain sans dimension astrale? Autrement dit, sans émotion, est-ce que c'est envisageable, ça? Bon, la dimension astrale ne sera pas détruite, pas pour l'instant. Par contre, l'homme va simplement apprendre à travailler en collaboration, mais d'une collaboration de maître à esclave avec cette dimension de l'astral, ce qui est différent. Ce n'est pas exactement comme si on disait, à un moment donné, on a eu un concept philosophique qui disait que la matière était nuisible à l'évolution de l'homme. Les matérialistes allaient fautifs et ceux qui n'étaient pas matérialistes avaient une chance d'évoluer. Donc, on avait l'impression que la matière nuisait. Alors, démolir la matière, c'était régler le problème. L'homme était assujetti à cette matière, donc l'homme était l'esclave. Et lorsque l'homme fabriquait quelque chose, l'homme avait peur de le perdre, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Donc, plus l'homme fabrique, plus l'homme s'assujettit à ce qu'il fabrique. Alors, tu fabriques une peinture, tu as peur que quelqu'un la ternisse. Tu es esclave de ta création. Tu achètes une auto matériellement et tu as peur qu'on la porte. Tu es l'esclave de la création de l'homme. Lorsque tu as une maison, tu as différentes peurs liées à ta maison. Plus l'homme possède, plus l'homme crée, plus l'homme a peur de perdre ce qu'il a. Donc, veux pas, présentement, l'homme reste quand même un maître esclave, seulement au niveau du plan matériel, mais c'est un état qu'il vit parce que dans le plan psychologique, il est habitué à être l'esclave de ce qu'il crée. Bon. L'homme qui, par exemple, va arriver à une étape où il va prendre conscience que la matière doit le servir, il n'aura plus dédain de l'argent. Il ne volera pas pour autant parce qu'il n'aura pas peur que la matière le trompe. Mais il n'aura pas dédain de l'argent, il n'aura pas dédain de la matière, il se servira de la matière. Lorsque l'homme, dans le plan de l'astral, dans son plan psychologique, découvre à un moment donné qu'effectivement, lorsque je me couche, et lorsque par certaines techniques, j'entre en contact avec le monde parallèle de l'astral, et lorsque je projette, lorsque je place des pensées, lorsque j'instruis ce monde, j'ai des résultats. Je ne demande pas à Dieu, je le fais moi-même. Et certains vont dire « Oui, mais tu vas payer pour ». Parce qu'on doit être relié dans un esprit collectif et on doit avoir peur d'en sortir. Et ça, c'est... Pourquoi qu'on en a peur? On a peur d'en sortir parce que l'égrégore dans l'astral, cet égrégore collectif, a besoin de tout le monde pour s'énergiser. Lorsque l'homme apprend à connaître cette chose, il ne détruira pas le plan de l'astral. Pas pour l'instant. Il doit apprendre à travailler et à rendre esclave, c'est-à-dire à faire fonctionner, à ordonner et à coordonner ce monde de l'astral de façon à ce que celui-ci fasse ce que l'homme veut que celui-ci fasse. Lorsque l'homme a tenté de travailler sur lui, l'homme n'a pas conscience de son état réel. L'homme pense qu'il est réduit dans un corps physique et que le corps astral, au pis-aller, déborde un peu le corps physique, parlera, et que bon, le corps mental fait partie d'une sphère reliée au niveau de la tête, etc. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. L'homme a des ramifications un peu partout. Exactement comme là je parle et vous m'entendez. Donc, votre oreille va plus loin que votre corps physique. Et lorsque vous voyez, votre vue va plus loin que votre corps physique. Et c'est la même chose au niveau du plan de l'astral. On va fouiller loin, on maudit. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. Lorsque l'homme apprend, à un moment donné, à contrôler ses mécanismes, à parler avec l'astral, l'homme se désassujettit, l'homme n'a plus peur d'être puni, l'homme n'a plus peur d'être banni. Une apparition dans ta chambre, tu regardes ton calendrier, il n'y a pas de rendez-vous de cédulé, alors ce qui fait que tu demandes de s'en aller. Et la chose va vouloir rester, parce qu'elle n'est pas éduquée à t'écouter, mais tu peux lui faire peur. Alors ça veut dire qu'on n'ira pas dynamiter le plan astral, mais on va plutôt transmuter ses effets sur nous. Exactement, l'astral c'est quelque chose d'utile. L'astral présentement c'est la base qui permet l'exploration ou l'expérience planétaire. Parce que l'astral, on l'a dans le plan psychologique, mais la matière c'est astral. C'est l'astral la matière, c'est la mémoire. Ça garde la forme dans le temps, c'est la mémoire. Donc, on a différents strates d'astral. On a l'astral physique, l'astral vital, l'astral psychologique et l'astral mental. Et lorsque nous parlons de l'astral, en gros, nous parlons évidemment du plan psychologique. Mais on ne peut pas détruire le plan psychologique. On va devoir détruire, par contre, les liens qui unissent l'homme, l'homme réel, à ce plan psychologique, à ce plan de l'astral. Ces liens devront être coupés par... On peut évoquer deux choses. Si on parle du concept, le concept lui-même, c'est lorsqu'une personne n'a plus... Lorsqu'une personne perd pendant un moment de sa vie, parce que normalement, ça reste pas longtemps, elle s'agrippe vite. Lorsqu'une personne perd pendant un moment de sa vie... la conscience qu'elle avait de sa présence dans sa vie. Cela veut dire que lorsqu'une personne sait où elle est, elle a une présence, une conscience d'elle, elle a une conscience d'être vivante, elle a une conscience de servir quelque chose, elle a une conscience, elle a l'impression d'être aimée, d'être utile, de servir. Elle a l'impression d'avoir de la puissance, du pouvoir, d'asservir. Elle a l'impression de souffrir ou d'être heureuse. Du moment qu'il se passe quelque chose dans l'émotivité de la personne, elle a conscience qu'elle est là. Et pour son ego, cela est important parce que cela va déterminer les paramètres de son cheminement d'évolution. Lorsque la personne, à un moment donné, perd le contact qu'elle a, elle, présentement, ça, elle aurait... Parce que, vois-tu, la personne, on parle de l'ego. L'ego peut être fragmenté en plusieurs parties. Cela peut causer certaines pathologies chez des personnes. Maintenant, à un moment donné, tu as la conscience, tu as presque plus ton corps physique et ton corps mental n'a plus de contact ou presque plus de contact avec l'ego. Et tu ne vois plus rien. Et il reste en toi parce qu'à l'instant même où tu perds le contact avec ton ego, tu recrées un autre ego. qui est minuscule, qui est inexpérimenté, qui date, qui a comme cheminement vécu l'instant même où tu as coupé tes contacts et l'instant où tu prends conscience que tu as coupé tes contacts. Alors, c'est l'ego, cette petite ego qui tend à naître peut avoir vécu 2 secondes, 1 minute, 2 minutes, 1 heure. Il renaît chez l'homme un ego lorsqu'il perd un ego. Tant que l'homme est assujetti, tant que l'homme n'a pas d'énergie mentale ou d'énergie suffisamment supramentalisée pour pouvoir se permettre la disparition de la conscience de vie, l'ego. Lorsque la personne perd ce contact, elle n'a plus, elle ne souffre plus, elle n'a plus peur, elle n'a plus de joie, elle n'a plus rien. Elle n'a plus de référence dans sa psychologie pour qu'elle puisse dire « je suis ». Elle prend conscience qu'elle est là, mais il n'y a rien pour pouvoir supporter cette prise de conscience. Et la personne, elle est dans une... Donc, elle perd cette conscience de la vie. Je parle de... Ce n'est pas nécessairement de dire qu'elle a un échec dans sa vie, mais je reviens simplement à l'illusion que je faisais tout à l'heure lorsque la personne arrive sur le bord d'un balcon sans garde-fou et qu'il n'y a plus rien. Elle se ramasse sur un îlot central au fin fond de l'univers où il n'y a plus aucun contexte, il n'y a plus du tout de critères de vie. Elle est là, elle seule. Et cet état qui peut traumatiser le plus près, le plus intelligent des hommes de la planète, c'est l'état d'être, qui fait peur. Et lorsqu'une personne vit cet état de choses et qu'elle n'est pas prête à la vivre, elle est automatiquement détruite. L'ego ne peut plus revenir, la personne recherche un ego, il y a un conflit qui se passe, et la personne peut en mourir, elle en devient folle, ça ne l'en meurt pas. Sauf évidemment si elle est prête. Réussir sa vie, c'est lorsque les concepts que nous avons élaborés lors de notre éducation se voient confirmés par notre vécu. C'est réussir sa vie. Et échouer sa vie, c'est lorsque les concepts que nous avons élaborés lors de notre éducation se voient infirmés par la vie. Il y a toute une illusion peut-être autour de ça. Ah, c'est juste une illusion, ce phénomène-là. C'est le concept que tu bâtis. Je voulais être telle chose et je n'ai pas réussi à l'être. J'ai donc un échec à ma vie. Mais tu as toujours été ce que tu étais. Parce qu'en fait, c'est la prétention de vouloir épouser des modèles collectifs de réussite, etc. Exactement. Si tu t'individualises, tu n'en as rien à faire de ça. Tu ne peux pas manquer ta vie, tu ne peux pas réussir ta vie, tu ne peux que vivre ta vie. Mais l'homme, évidemment, au lieu de vivre sa vie, essaie de vivre la vie qu'il veut vivre et de fuir la vie qu'il refuse de vivre. Mais, vivre la vie des autres. C'est la vie qu'il veut vivre, évidemment. Il s'assujettit à ce que les autres vont lui présenter. Parce que dans la collectivité, il y a toujours des trous, des fissures. Et l'homme croit que le chemin... L'homme pense qu'on lui demande de boucher des trous, de boucher des fissures dans la société. Alors, l'homme se lance dans la politique parce qu'on a une lacune dans la politique. L'homme se lance dans la médecine parce qu'il y a une lacune, il manque de médecins. L'homme se lance dans l'éducation parce que l'éducation n'est pas bonne. L'homme veut boucher les trous. Au lieu d'être ce qu'il est, lui, au lieu de faire quelque chose qui rentre en harmonie avec son intelligence, l'homme veut boucher les trous. Évidemment, dans cet état de choses, on va éduquer de façon à ce que l'homme bouge du trou. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la société? On a besoin d'infirmières. Alors, tout le monde se garoche pour être infirmière, et quand les infirmières sont prêtes, ben on a trop d'infirmières. Alors là, on se recycle pour d'autres choses, toujours pour boucher des trous. Et réussir sa vie va être en fonction du nombre de trous, de la qualité avec laquelle tu as bouché un trou dans la société. Sauf si, à un moment donné, tu prends une prise de conscience du manque de finalité réelle de cette évolution bouche-trou. Lorsque ça fait 20 ans que tu bouges des trous et que tu dis « ben je fais rien », tu ne fais rien pour toi. Tu commences à développer cette égocentricité qui tend à individualiser l'homme, qui tend donc à amener l'homme vers cette conscientisation qui va évidemment se terminer apparemment par le salut de l'homme. C'est-à-dire que l'homme va devenir le maître, il ne sera plus l'esclave maître. Et évidemment, on passe pour arriver à l'état de maître par différents processus psychologiques de remise en question, de croyance et de décroyance, de cheminement et de retour en arrière, qui finit par instruire l'homme que tous ces mécanismes sont utiles, essentiels, et elles n'ont comme fonction que d'enseigner à l'homme qu'il doit se débarrasser d'eux. Finalement, ça finit là. Alors, réussir sa vie, rater sa vie, c'est un concept faux, un concept sociétaire, un concept enseigné par les autres qui disent, il y a un trou là, si tu réussis ta vie, tu bouges le trou. Parce que si tu t'en vas où il n'y a pas de place, où est-ce qu'on a trop de choses, où on n'a pas besoin de toi, ben, tu manques ta vie. On a un concept qui fait que l'homme doit... on a différents concepts de réussir sa vie. Il y a la liberté, où tu dois pouvoir exprimer toutes tes émotions. On a un concept moral qui dit que tu dois contrôler toutes tes émotions, c'est aussi réussir sa vie. On a un autre où tu dois te donner entièrement aux autres. Et on en a un autre où tu dois te donner entièrement à toi. Alors, dépendant de l'éducation, tu réussis ta vie ou tu manques ta vie. Alors qu'en réalité, si cela dépend de l'éducation de l'homme, si cela est relatif à l'endroit sociétaire dans lequel tu nais, cela prouve de par sa définition même que c'est un concept, que c'est de l'illusion, que c'est de la frime. Parce que tu ne peux pas réussir ta vie. Tu ne peux pas manquer ta vie. Tu peux souffrir dans ta vie. Tu peux avoir des pertes dans ta vie. Tu peux avoir des trous, des hauts dans ta vie. Mais tu ne peux pas réussir ou manquer ta vie. C'est impossible. Qui en mourant peut dire « j'ai réussi ma vie » T'as réussi quoi? Tu as réussi quoi? Certains vont dire « j'ai réussi, on m'oubliera pas ». Alors Adolf Hitler a réussi sa vie. D'autres vont dire « j'ai réussi, on parlera jamais de moi ». Et ça, on en a plus, on en a mousé paquet. C'est la majorité. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? À 7 ans, tu veux être louveteau. À 12 ans, tu veux être boy scout. À 20, tu veux être marié. À 25, avoir des enfants. Après, ça veut divorcer. Et puis, avoir une job, une carrière, et une retraite, etc. Et à 50 ans, tu veux ta retraite anticipée. Puis, à 65 ans, tu maudis la société parce que t'as plus de travail. Parce que ta vie, tu te demandes si t'as fait de quoi. Mais c'est sûr que t'as fait de quoi. Tu peux pas manquer ta vie. Il y a rien à faire. D'ailleurs, la meilleure preuve que tu réussis ta vie, c'est que tu meurs. Tout le monde réussit bien sa vie. L'enfant qui voit un guide, est-ce que c'est lui qui l'a créé ou est-ce qu'il lui a été assigné? Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Maintenant, on parle d'un guide, c'est le guide de lumière, par exemple, qu'on a vu un peu la semaine dernière. On parle pas de guide matériel, j'imagine bien, encore que c'est un peu la même chose. Il faut bien comprendre que la psychologie de l'enfant, elle n'est pas éclos. Elle n'est pas encore suffisamment développée. Elle est dans des phases d'éducation, de prééducation, de développement et de prédéveloppement. C'est-à-dire que à certains âges, l'enfant est complètement teinté par la psychologie, donc par l'astral de sa mère. À la naissance, l'enfant est teinté par l'astral de sa mère parce que une partie de cette mémoire est véhiculée par le sang. Donc, l'enfant a le sang de sa mère, et après un certain laps de temps, lorsque l'enfant aura recyclé complètement le sang de sa mère, il commencera à développer une psychologie qui lui sera propre. Il va commencer à s'identifier à lui-même, et non plus, se parler à la troisième personne. Lorsque l'enfant va grandir, lorsque l'enfant va accumuler des expériences, il va développer un ego qui va tendre à se dissocier de celui des parents. Maintenant, évidemment, selon l'éducation, selon la restriction de l'éducation, cela peut prendre un temps plus ou moins long. Lorsque une énergie est assignée, parce que c'est toujours assigné à un enfant, l'enfant ne le demande pas, on lui assigne. Et ça, c'est important de voir la différence. L'adulte peut demander, l'enfant ne demande pas. Je parle d'un enfant de 4 ans descendant, par exemple, ou 5 ans descendant, dépendant de l'éducation. Bon. Lorsqu'on lui assigne, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, dans la religion catholique romaine, on baptise. Cela veut dire qu'on assigne déjà des anges gardiens à l'enfant. On donne un nom à l'enfant qui sera le mécanisme par lequel l'énergie de cette religion pourra entrer en contact avec lui et lui assigner des choses et le manipuler. Maintenant, cela va aussi avec la croyance des parents. Cela va aussi avec les mécanismes génétiques qui promulguent l'évolution de l'espèce dans le temps. Maintenant, il faut bien comprendre que l'évolution par la génétique ne permet l'amélioration que du véhicule récepteur et ne permet pas l'amélioration de ce qui va être reçu. Cela est évident. Ce que je veux dire par là, c'est que l'évolution de l'enfant, par exemple, l'évolution du parent vers l'enfant va permettre génétiquement d'améliorer le corps physique. Un corps physique amélioré permet l'amélioration de l'énergie psychologique améliorée. Et l'énergie psychologique améliorée dans un véhicule amélioré permet la création d'un corps mental amélioré, ce qui va permettre l'intégration plus facile ou plus probable de la fusion supramentale, donc extraplanétaire, avec l'énergie planétaire humaine. Maintenant, il est évident que l'enfant qui, par exemple, de par la génétique spirituelle de ses parents, de par la génétique alimentaire, de par la génétique évolutive de ses parents, même s'il est baptisé par la chrétienté ou par l'islam ou par d'autres religions, il peut, de par sa nature vibratoire, le corps physique a une nature propre vibratoire, le corps vital, le corps astral, le corps mental aussi, et par affinité vibratoire, par résonance, cela va se lier. Alors, on n'aura pas un être humain qui aura un corps particulier avec un esprit différent de ce que le corps peut exprimer. Et c'est pourquoi aussi on a des personnes qui, la physiologie ça fonctionne, dont la chiromancie ça fonctionne, et la physiologie, elle est léguée par les parents. L'enfant ressemble à sa mère, à son père, à son grand-père, et il s'ouvre qu'on peut, par la physiologie, connaître la caractérologie astrale de la personne psychologique, ce qui prouve qu'effectivement, on lègue notre psychologie par l'intermédiaire de la nature physique. Mais l'évolution de l'être-té, le contact extraplanétaire entre l'homme planétaire, ne peut pas être légué génétiquement. Le véhicule est amélioré de génétique en génétique, ce qui fait qu'à un moment donné, un être arrive à la fusion, 2, 3, 4, 15, 20, 100, 2000, 10 000, 1 million, 4 millions, et à un moment donné, l'humanité aura des enfants non fusionnés tant qu'il ne sera pas androgène, c'est-à-dire tant qu'il sera sexué. Il aura des enfants qui auront à expérimenter la fusion de leur vivant, mais qui l'expérimenteront facilement. Ce qui n'est pas le cas présentement, parce que les entités corporelles ne sont pas corporelles, je parle du planétaire, mental en descendant, ne sont pas suffisamment prêtes. Donc, lorsque l'enfant voit un guide, si c'est un guide chrétien, c'est que l'évolution collective psychologique des parents est suffisamment reliée à l'égrégore qui l'a baptisé. Mais on peut voir, par exemple, l'apparition d'un guide tibétain à un enfant catholique. Et là, donc, on va encore plus mettre de croyance dans ce phénomène parce qu'on va dire c'est un élu. Parce qu'il n'avait rien de tibétain. C'est normal qu'un enfant tibétain ait la visite d'un guide tibétain. Et c'est normal qu'un enfant chrétien ait la visite d'un guide chrétien, d'un ange. Ou encore d'un archange. Mais c'est un élu si c'est un tibétain qui a la visite d'un archange chrétien. Et c'est un élu où il y a des dons, où il est particulier, si c'est un chrétien qui a la visite d'un guide tibétain. Et ça, il faut bien comprendre que l'exotisme plaît partout où on va. Bon. L'enfant ne l'attire pas d'une façon consciente. Les vibrations particulières du corps physique, vital, psychologique et mental de l'enfant vont permettre la résonance entre une énergie du monde de l'astral, de l'énergie du monde des morts, de ce monde parallèle, pour que celui-ci puisse venir s'exprimer devant l'enfant et trouver substance à l'expression, donc trouver un auditeur. Alors, ce guide va venir voir l'enfant et selon la nature même de ce guide, il va pouvoir aider, être ami ou nuire à l'enfant. Donc, évidemment, ce guide n'est quand même qu'une création de l'homme. C'est quelque chose qui a des fonctions. C'est quelque chose qui a une efficacité. Et quand j'emploie le terme efficacité, je veux dire que cela a une efficacité dans la matière. Cela ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais. Ça fonctionne, ça marche. Bon. Et ce guide qui se présente vers l'enfant, qui est, qu'on donne à l'enfant, on le donne de par une loi qui s'appelle l'amour, l'attraction. Donc, l'enfant ne le demande pas consciemment par l'espoir, c'est-à-dire que l'enfant n'énergisera pas un canal entre sa psychologie et ce guide. Il ne demandera pas la venue d'un guide, l'enfant ne le recherche pas. Et si ce guide se présente, c'est qu'il y a affinité vibratoire entre l'enfant et cette entité du monde de l'astral. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un guide vient voir un enfant et qu'il peut aider l'enfant pendant un laps de temps dans son éducation que ce guide est pour autant supérieur à l'enfant. Parce que supériorité, c'est un concept extrêmement psychologique de l'homme qui ne tient pas compte d'une réalité extra-temporelle. Autrement dit, lorsque votre enfant est inférieur à vous, c'est que vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas conscience de l'adulte dans l'enfant. Et à l'extérieur du temps, l'enfant est le début et la finalité vivante de ce qu'il sera. Dans le temps, vous avez le moment présent qui dit que l'enfant a 6 mois et je peux le tuer. Mais vous n'avez pas de conscience extra-temporalisée qui va vous dire que l'enfant, lorsqu'il mesurera 6 pieds 9, qu'il sera corps arrière de football, qu'il sera un garde du corps pour plusieurs premiers ministres et qu'il sera un fiefé coquin, lui pourra vous tuer. Alors, qu'est-ce que c'est supérieur-inférieur? C'est quelque chose qui est relié à une méconnaissance des mécanismes temporels, à une conscience temporalisée par le domaine de la mémoire, par l'éducation, qui nous fait croire qu'une chose peut être inférieure ou supérieure. Donc, lorsqu'un être, supérieur vient vous visiter, il est supérieur présentement, mais qu'en sera-t-il de lui lorsque vous aurez 200 ans de plus? L'enfant est visité par un guide qui peut l'aider et lorsque l'enfant sera adolescent, il devra se départir de ce guide parce que ce guide va lui nuire. Et si l'enfant ne se fait pas nuire par ce guide, c'est simplement parce que l'enfant reste assujetti à ce guide. Donc l'enfant est le maître esclave, l'enfant accepte maintenant ce guide et l'enfant accepte d'être soumis à ce guide. Ce qui ne devrait jamais être chez l'homme. Cela ne veut pas dire que l'homme doit manipuler, doit écraser tout ce qui existe. Cela veut dire que l'homme doit cesser d'être assujetti à ce qui existe. Cela veut dire que l'homme doit prendre conscience de sa nature réelle. Cela veut dire que l'homme doit se libérer réellement de tout ce qui tend à l'attacher. Cela veut dire que l'homme doit se libérer de lui. Cela veut dire que l'homme doit se libérer complètement de tous ces mécanismes qui tendent à le rapprocher d'une conscience collective. Cela veut dire que l'homme doit être capable d'avoir une conscience propre, individualisée à lui, totalement marginale de l'extérieur, et malgré qu'il sera dans cet état, cet homme ne se sentira jamais coupable d'être différent. Cet homme ne nourrira pas la différence. Cet homme ne fera pas de la différence un culte. Parce que l'homme qui fait de la différence un culte se réassujettit. Parce qu'un culte, ça se vend bien. L'homme sera différent, l'homme constatera la différence psychologique qu'il vivra, et l'homme dira « cela est parce que cela est ». Et c'est tout. Alors donc, l'homme qui, ou l'enfant qui, à un moment donné, visité par un guide, devra de toute façon, par son évolution, comprendre la nature de ce guide. Et lorsqu'il comprendra la nature de ce guide, il aura tout appris les leçons que ce guide peut lui enseigner. Parce que sachez bien que le monde parallèle, lorsque ce monde de l'astral vient vous visiter, il ne peut faire autrement que de vous enseigner sa nature. Il n'y a rien, de toute façon, dans le contexte évolutif planétaire humain qui n'a pour fonction autre chose que de faire connaître à l'homme sa nature. L'homme lui-même doit connaître sa nature. Et l'homme doit connaître la nature de la matière, l'homme doit connaître la nature du corps vital, l'homme doit connaître la nature du corps astral pour pouvoir travailler en fonction des lois qui régissent même ces natures. Donc, lorsqu'une entité vient voir une personne, un guide ou n'importe quoi, l'homme ne peut apprendre de cette chose que sa nature. Et lorsque l'homme comprend et connaît la nature réelle d'une entité qui vient le visiter, il n'en a plus besoin. Il ne peut rien apprendre d'autre. Sinon, l'être va lui enseigner la nature de d'autres choses. Et c'est toujours ça qui se passe. On enseigne la nature de d'autres choses. Alors, tu dois faire telle chose. Telle affaire, c'est telle chose. Et toi, qu'est-ce que tu es? Moi, je suis un maître. Mais je ne peux pas connaître la nature de cette personne dans l'astral. Parce qu'il se cache. Il ne la connaît pas lui-même. Et par l'expérience, par l'affliction évolutive souffrante, même si c'est camouflé entre ce guide, entre ce monde parallèle et l'être et l'enfant qui évolue, l'enfant va découvrir ce qu'est cette chose. Mais plus l'enfant prend de temps à voyager avec cette chose, plus l'enfant crée de liens avec cette chose, et automatiquement, plus le temps va avancer, plus il aura de la difficulté à s'en débarrasser. Sauf s'il comprend sa nature globalement, complètement, et s'il peut, par la compréhension, par ce savoir de cette nature, éduquer la chose pour qu'elle s'en aille. Parce que sachez bien qu'on ne peut pas quitter le monde de l'astral ou on ne peut pas, disons, se désassujettir du monde de l'astral sans automatiquement se créer une nouvelle fonction, celle de l'instruction de l'astral. On doit travailler dans le plan d'astral comme dans d'autres plans. Et lorsque l'homme travaille dans ses plans de toute façon, mais l'homme ne le sait pas, l'homme l'ignore. Mais lorsque l'homme veut se départir des assujettissements de ce monde parallèle, il doit l'instruire. Parce que ce monde apparemment supérieur, parce que vous ne comprenez pas ce qu'est l'intemporalité, est totalement inférieur à l'homme. L'homme ne crée rien de supérieur à lui, dans l'apparence seulement. Une question qui est fun, là. La façon dont elle est posée, c'est assez drôle, parce que je pense qu'elle contient en elle-même la réponse de la question. Toutes les questions, de toute façon, contiennent la réponse, oui. Alors, on voit que la personne, au fur et à mesure qu'elle rédigeait sa question, elle arrivait vers la réponse. C'est d'ailleurs le mécanisme de la parole. Et c'est pourquoi qu'on suggère fortement aux personnes de parler à un moment donné, parce que lorsqu'elles parlent, elles s'enseignent eux-mêmes et elles apprennent. Et plus elles parlent, plus elles découvrent comment elles le savaient. Et dans leurs termes, ils vont dire « plus je parlais, plus j'ai découvert comment j'étais niaiseux ». Mais en réalité, c'est que tu découvres que tu le savais, pas que t'étais niaiseux. Mais tu t'instruis. Alors, comme elle est assez longue, je te la donnerai tout à l'heure, je vais la lire. « Un homme qui a détruit ses concepts de divinité et les a chassés par la parole en les insultant et les injuriant, j'entends par là les divinités polarisées, Dieu et diable, et de ce fait n'a aucune crainte de ces entités, n'ayant eu aucune riposte de l'une et de l'autre. » Il dit après, « Que s'est-il passé ?» C'est passé que... Vas-y. Bon. Et la réponse, de l'autre côté. Ne paye pas, c'est marqué de l'autre côté. Ça ne paye pas. Bon, un homme qui a détruit ses concepts. Soit dit en passant, on ne peut pas détruire ses concepts, on peut les transmuer. Bon, c'est une nuance, mais quand même, qui est quand même, disons, à un moment donné, elle devient intéressante. Les divinités polarisées, bon, etc. Alors, par certaines techniques, la personne a réussi à faire fuir ou à engueuler le bon Dieu et le diable. Et de ce fait, n'a aucune crainte de ces entités, n'ayant eu aucune riposte de l'une et de l'autre. Cela veut dire que par cette question, il instruit le monde de l'astral qu'il va en avoir peur si ceci riposte et qu'automatiquement, il va s'excuser pour retomber dans le piège. La question, du moins, elle a ce caractère. Et on ne doit jamais, mais jamais, instruire l'astral que, lorsque je disais à un moment donné, chacun d'entre vous, c'est possible qu'un jour, vous avez réellement maudit Dieu. On veut couper les liens. Mais on ne les coupe jamais toutes au corps. Et de ce fait, on ne les coupe pas avant tout. Bon. Alors, c'est la même chose. Je ne veux plus que le diable vienne. Mais tu dis ça comment? En ayant peur qu'il revienne, automatiquement, tu lui dis, reviens, mais avoir peur. Puis plus j'ai peur, plus je te nourris. Plus je te nourris, plus tu as soif. Plus tu viens, plus on a du fun. Enfin, tu as du fun. Bon. Alors, c'est la même chose ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas grand-chose. Il est arrivé simplement ceci, que la personne, elle a réussi à soulager ce concept de Dieu et de Satan, mais elle n'a pas ébréché du tout le concept planétaire ou le concept collectif de cette divinité ou de ce Satan. Cette personne n'est pas encore suffisamment importante pour le monde de l'astral pour que le monde de l'astral s'occupe d'elle. Et c'est parfait, c'est tant mieux. Mais la personne, si elle se dit elle-même « je n'ai pas peur parce qu'il ne s'est rien passé », autrement dit « je n'ai pas peur, je n'y crois pas parce qu'il ne s'est rien passé », ben, il faut faire extrêmement attention, parce que sachez bien que le monde de l'astral vous connaît, parce que c'est vous. Et vous connaissant, parce que c'est vous, et parce que vous communiquez avec ce monde parallèle qui est relié par la collectivité, par l'amour collectif dans l'astral, vous connaissant, ils savent aussi de quelle façon vous faire croire des choses. Lorsqu'une personne recherche Dieu, elle ne rencontre jamais Satan. Mais lorsqu'une personne fuit Dieu, elle peut rencontrer Satan. Et c'est assez amusant de voir que lorsqu'une personne est athée, elle ne rencontre pas Satan. Il n'y a que les personnes qui recherchent Dieu et qui, à un moment donné, fuient Dieu qui ont peur du diable. Mais pas les athées. Celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit pas en diable ne voit pas le diable. Et celui qui croit en Dieu et qui a peur du diable peut voir des entités sataniques. Alors, il y a une grosse connotation qu'il faut faire entre le fait de chasser les liens qui nous réunissent à ces choses et de devenir suffisamment maître de l'astral pour manipuler ces choses. Il n'y a pas eu de riposte. Alors, dernièrement, on a eu une expédition au niveau PMC5 et PMC4. Je ne vous compte pas ce qui s'est passé parce que, disons, que il faut le vivre, disons, pour réellement l'intégrer. Et il n'y a pas eu, effectivement, de riposte. Par contre, il y a eu la preuve que ces entités existaient, étaient fonctionnelles et manipulaient la matière. Et en même temps, il y a eu la preuve que ces entités ne pouvaient rien contre l'homme. Il y a eu la preuve lors de cette expédition, lors de ces 24 heures, que le monde de l'astral pouvait manipuler l'homme qu'à la condition que l'homme se laisse manipuler. Et cela a toujours été. Lorsqu'un maître avait des esclaves, il pouvait manipuler l'esclave selon la possibilité qu'avait l'esclave d'être manipulé. Je ne peux pas ordonner à personne de voler, parce qu'il ne peut pas voler. Et lorsqu'une personne n'est pas dans un état psychologique pour agir, je ne peux pas. Un esclave qui est en colère, on le fouette, on le bat, mais on ne lui demande rien. Parce que si on le met plus en colère, il va se révolter contre nous. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'homme lorsque l'homme arrive à une colère purificatrice à un moment donné, une colère presque mentale. Alors, il ne s'est rien passé pour la simple raison que la personne n'a ébréché que ses propres concepts, disons, dualitaires, polarisés. Et c'est un début. Qu'elle soit patiente. Et elle aura à un moment donné des ripostes. Mais il n'y a rien de dangereux avec ce genre de choses, avec ce genre de monde. La seule chose qui est dangereuse, c'est lorsque l'homme recule. Lorsque l'homme a peur. Et lorsque l'homme a peur, ben l'homme se fait instruire par la peur. Parce qu'évidemment, on viendra pas vous chercher avec des bonbons, on va venir vous faire peur. Parce que l'homme est facilement peureux. L'homme est pissou, on maudit. Regardez, dans tous les endroits publics, c'est plein de toilettes, alors. Quels sont les effets vibratoires de la musique sur les différents corps? Les effets vibratoires de la musique. La musique est là une consonance qui pénètre par l'oreille et par la peau. La musique, comme effet sur les différents corps, elle a un effet qui n'est pas nécessairement bénéfique. Certaines formes de sonorité musicale peuvent, dans certains cas d'énergisation très basse, de pathologie ou de dépression ou de lassitude ou de choses dans le genre, remonter un tantinet l'énergie de la personne. Mais une personne qui est assujettie à écouter de la musique régulièrement, elle est complètement droguée. Elle a besoin de cette musique, donc elle est encore l'esclave de quelque chose créé par l'homme. Et même si on dit que la musique purifie les mœurs, on peut voir avec certaines musiques que ça colore les cheveux puisque ça purifie les mœurs. Et la musique, elle a une tendance à manipuler l'homme, quelle que soit la musique. Alors, la musique, est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça dépend de notre état, ça dépend de ce qu'on en fait, parce que tout est bon et tout est mauvais. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait, la musique, chez l'homme? Bien, elle oblige l'homme à lutter contre la musique. Elle ne fait rien d'autre. Alors, si la musique vous dynamise, alors vous êtes encore une fois assujetti à la musique et c'est le rythme vibratoire de la musique qui vous contrôle. Si la musique vous fait pleurer, c'est une musique de triste. D'ailleurs, on en met dans les films, c'est pas pour rien. C'est parce que la musique, elle atteint plus facilement la psychologie de l'homme que l'image. Donc, la musique, bah, évidemment, vous en faites ce que vous en voulez. C'est bon. Pas fort, tant qu'on n'entend pas trop. Et sinon, de temps en temps, ça peut servir de thérapie, comme je le dis, mais dans certains cas. Alors, la musique, comme n'importe quelle sonorité, il faut faire attention. Chose qui est sûre, c'est que si vous avez besoin de la musique, ah, vous êtes pris, vous êtes bien mal pris. Mais c'est comme n'importe quoi, vous en avez besoin. Automatiquement, c'est de l'ordre, disons, satanique, comme le mot qu'on emploie en ésotérisme. Alors, qu'est-ce que vient faire la musique sur nos corps? La musique, elle agresse le corps physique, elle agresse le corps vibratoire, elle manipule le corps psychologique et elle empêche le corps mental de fonctionner. C'est ce que fait la musique. L'astral qui ne peut manipuler l'homme par sa psychologie, car il comprend qu'il est son seul maître, peut-il le manipuler différemment par l'extérieur, indirectement? Et comment l'homme peut-il en sortir face à une manipulation indirecte de l'astral sur la matière autour de l'homme? Bon, je vais répondre d'une façon qui ne vous regarde pas. Mais qui un jour peut-être va vous regarder. Ça, si vous comprenez, ne mettez pas ce que je veux dire en pratique, d'ailleurs vous ne pourrez pas le faire. Et le mettre en pratique serait vous assujettir à une manipulation dégradante de l'astral. Mais un jour, vous allez comprendre ces genres de choses. Le vivre. L'astral qui ne peut manipuler l'homme par sa psychologie, car il comprend. Donc, l'homme qui coupe les liens avec le mécanisme psychologique de l'astral. Lorsqu'on lui dit « achète tel beurre de peanut », il l'achète s'il comprend qu'il en a besoin, mais pas parce qu'on lui a dit. Lorsqu'il est son seul maître, peut-il être manipulé différemment par l'extérieur? Indirectement. Et comment l'homme peut-il arriver à en sortir face à une manipulation indirecte de l'astral sur la matière autour de lui. Alors, voyez-vous, écoutez bien ceci. Vous êtes libre, vous êtes parfait, tout va bien, c'est merveilleux, votre vie est heureuse, tout est parfait, vous avez une extraordinaire santé, vous avez de la richesse, vous avez des amis, vous avez une maison, vous avez un bon emploi, tout va bien. Et vous êtes suffisamment puissant pour que l'astral ne puisse pas vous faire voir que tout va mal. Parce que ça va jamais mal. On voit que ça va mal, mais ça va pas mal. Alors, la psychologie, le monde parallèle, l'astral, va évidemment agresser l'homme par ses points faibles, jamais par ses points forts. Vous perdez votre emploi, c'est un moyen de vous agresser. Et là, ça commence à faiblir chez vous. Vous perdez vos amis, une autre agression. Vous perdez votre maison, une autre agression. Et si à travers toutes ces pertes, vous n'êtes jamais perturbé, vous ne perdrez plus rien d'autre. Pour la simple raison que ce n'est pas un de vos points faibles et vous êtes suffisamment énergétique pour pouvoir, même inconsciemment, empêcher ce genre de dégradation. Mais l'homme doit comprendre, le vivre, intégrer, digérer. Et de par le fait même que nous rencontrons, c'est le début d'une séparation. Comment faire pour ne pas être manipulé par l'extérieur? C'est facile. N'ayez aucun lien psychologique avec l'extérieur. Facile à dire. Cela veut dire, n'ayez pas d'amis. N'ayez pas de femme ou de mari, n'ayez pas d'enfant, soyez locataire, Bien assuré. Oui. Et automatiquement, si vous avez la puissance, qu'est-ce qui peut vous arriver? Cherchez tant que vous voudrez. Si vous ne pouvez pas être agressé et que vous n'avez aucun lien avec l'extérieur, il ne peut plus rien vous arriver. Et c'est pourquoi tous les maîtres, les réels maîtres, ceux qui se maîtrisaient eux-mêmes, ceux qui étaient les seuls maîtres à bord de leur propre véhicule d'exploration planétaire, ceux-là, pas ceux qui maîtrisaient, pas ceux qui maîtrisaient les autres, ceux-là n'avaient pas de disciples, n'avaient pas de femme ou de mari, n'avaient pas d'enfants, n'avaient pas d'église, n'avaient pas de religion, n'avaient rien. Quelqu'un blasphème contre ma religion, je suis mal pris. On blasphème contre mon auto, on l'égratigne, je suis mal pris. On blasphème contre mon emploi, je suis mal pris. On blasphème contre mes parents, contre ma famille, contre mon sang, contre mon drapeau, je suis mal pris. Mais vous pouvez évidemment vivre en société, à la condition de bien comprendre que tout a une fin. Et que la fin est l'expression même d'une atteinte de perfection dans votre vie. L'homme recherche la perfection et l'homme ne devrait jamais rechercher la perfection parce que la perfection, c'est la destruction. C'est la mort, la perfection. Il n'y a pas plus de perfection que de mort. Il n'y a pas de perfection sans mort, il n'y a pas de mort parfaite. Parce que sachez bien qu'une chose se doit d'être vivante. Et lorsqu'une chose ne vit plus, elle est morte. C'est évident. Lorsqu'une chose est parfaite, elle ne s'améliore plus. Lorsqu'une chose est parfaite, elle a tout ce qui pouvait être. Elle n'a plus rien à parfaire. Et le contexte planétaire de l'homme est un contexte expérimental, un contexte d'évolution. Lorsqu'une chose cesse d'évoluer, elle est parfaite. Elle ne peut plus rien attendre de l'extérieur. Elle meurt. Et chaque fois qu'une chose vient à nous, on a passé des moments fabuleux et c'est normal qu'un jour ça parte. Et l'homme psychologique veut poursuivre dans le temps la chose fabuleuse et veut éliminer des probabilités de retour les choses qu'il n'a pas aimées. Et ce sont des points faibles pour l'homme. C'est sa mémoire. Lorsque l'homme est capable de vivre instantanément, c'est-à-dire lorsque l'homme est capable d'accepter que tout tend vers la perfection, lorsque l'homme est capable d'accepter donc que tout change, que tout vit, que tout évolue, il ne peut plus être manipulé par le contexte de l'astral qui, lui, tend à refuser l'évolution, mais tend à vanter la conservation. Cela a été beau, nous devons le conserver. Cela est laid, nous devons le détruire. La beauté parfaite meurt. Pas choix. On l'a dans le plan physique, on l'a dans le plan vital, on l'a dans le plan psychologique, on l'a tout partout. Alors, de quelle façon ne pas être relié? C'est de comprendre, d'intégrer complètement l'expression même de l'évolution de l'homme, de la vie. Alors, il est normal qu'un jour je fasse des conférences et il est normal qu'un jour je n'en fasse plus. Il est normal qu'un jour j'ai des possessions, il est normal qu'un jour j'ai d'autres possessions. Ceux-là doivent mourir. Sinon, je stagne. Et la stagnation, c'est la mort chez l'homme. Il est normal, cela est naturel. C'est encore mieux que normal, naturel. Alors, de quelle façon l'homme peut-il être manipulé, agressé par l'astral lorsque lui est suffisamment solide, par ce qu'il a à côté de lui? Et à l'instant même où je me fous que ma femme se fasse massacrer par l'astral, je ne suis pas égoïste, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Qu'elle se fasse charrier, qu'elle se fasse tuer, qu'elle se fasse décapiter, je m'en fous. Royalement, sincèrement, je fouille à moi et je m'en fous. Je trouve la libération si elle disparaît de ma vie. Et jamais ma femme va disparaître de ma vie. Jamais elle ne se fera décapiter, jamais elle ne se fera charrier, jamais elle va rien se passer. Parce que c'est pas un de mes points faibles. Alors, elle, elle peut être en paix. Et mon emploi, je m'en fous. Sincèrement. Intelligemment, je travaille, c'est sûr. Intelligemment, j'en vois l'utilité. Mais si je la perds, je t'assure, je vais m'en trouver un autre. Je prends des vacances. Mais je suis sincère dans ce que je dis. Je fouille en moi et je le vois. Je ne peux pas perdre mon emploi. Parce que ce n'est pas un point faible. Alors, j'ai développé un ultime égocentricité intelligente qui me permet de mettre sous protection tous les points faibles que normalement j'aurais dû avoir et qui pourraient m'assujettir. Regardez les films. Le grand vaillant détective, extraordinaire, pris par la mafia parce qu'on a kidnappé son enfant. Ben, c'est ça. Et les services secrets, on le sait, on prend des célibataires. Qui plus souvent qu'autrement n'ont ni père ni mère. Ils sont morts, évidemment. Ils n'en ont eu. Ils sont morts. Si on les élimine pas, mais ça, faut pas trop se parler. Bon. Alors, ce qui fait que c'est un moyen radical, non pas de ne pas en avoir, mais de ne pas créer de liens psychologiques, d'avoir des amitiés mentales, des amitiés vitales, et non pas d'amitiés psychologiques, et de bien comprendre la désaffinité que vous devez développer avec votre monde extérieur. Et avec, évidemment, on commence par l'intérieur, avec vos pensées, vos désirs, vos espoirs, avec tout ce genre de choses qui permettent à l'astral de vous faire croire que vous êtes sur le chemin pour, à un moment donné, vous faire rencontre, vous faire découvrir que vous ne l'étiez pas. Alors, je dis bien que cela n'est pas nécessairement applicable par vous, sauf que cela va cheminer chez vous, et à un moment donné, cela va être clair comme de l'eau de roche, et vous allez être capable d'avoir des amis sans jamais avoir d'amis. Alors, donc, tous ceux qui vont vous approcher ne seront pas sujets à servir d'outils pour vous détruire. Qu'est-ce qui arrive quand la programmation est faite depuis 2 ou 3 ans et rien n'arrive? Qu'est-ce qui arrive quand rien n'arrive? Oui, c'est ce que je... Quand je suis sur le point de l'obtenir, il y a toujours des obstacles qui empêchent la réalisation, soit un travail ou autre chose, etc. Pourtant, c'est bien ou c'est très positif au départ. C'est intéressant, quoi, concept c'est du positivisme. Parce que ça rejoint la normalité de ceux qui évoluent. À un moment donné, on a l'impression qu'on l'a, qu'on le sait, que ça vient, que c'est proche, on le sent, c'est parfait. Dans 2-3 semaines, dans 6 mois, c'est l'année 1985, cette année-là, pour moi, ça va être, on l'a. Plus de problèmes financiers, plus de problèmes familiales, on l'a. Et puis, 87 arrive, 88, 89, puis on ne trouve pas. Et puis, 90 s'en vient, puis ça recommence. On l'a. Je vais me transformer. Je l'ai. 91 passe, 92 passe, 93 passe, on ne trouve pas. Et ce mécanisme qui est normal, c'est-à-dire qui rejoint la collectivité qui évolue. Et qu'est-ce qui fait, puis vous allez voir que c'est assez clair et assez facile à comprendre, qu'à un moment donné, on pointe pour se faire éroder la tête et après ça, on attend encore. Tant que l'évolution de l'homme va se faire d'une façon collective, il ne pourra pas arriver à percer ce brouillard de l'évolution parce qu'il pointe et d'autres pointent et d'autres pointent et après il doit se taire pour attendre que la masse suive. Ce qui fait qu'il évolue par pointe parce qu'il est un être peut-être plus conscientisé ou conscientisable que la collectivité, mais il reste assujetti à la normalité collective. Lorsque l'homme devient totalement individuel, lorsque l'homme se dégage complètement de l'attraction de la collectivité, de la normalité évoluante, lorsque l'homme est lui-même marginal et qu'il se complaît presque dans la marginalité sans s'en complaire, lorsque l'homme devient suffisamment marginal pour pouvoir s'assumer lui-même, lorsque la pointe arrive, elle reste et il la pousse. Parce qu'il n'a pas besoin d'attendre l'accréditation de la collectivité pour le faire. Et c'est un problème qui est majeur, qui est relié à l'évolution de la collectivité lorsqu'on arrive presque à s'en sortir et qu'on repénètre dans l'évolution collective, simplement pour laisser un temps à la conscience collective d'ingérer, d'assimiler votre évolution. Et il se trouve que ceux qui ont des pointes, il y en a un maudit bon paquet qui en ont en même temps et ils se taisent tous en même temps. Parce que leur évolution attend après la masse. Par le plan psychologique, par le plan matériel, par le plan du vital, par le plan du mental, ces êtres évoluent et ils attendent à un moment donné. C'est comme si on avait une grosse balloune. Alors, je tire dessus, je monte, et tout d'un coup, je dois redescendre pendant que la balloune monte, me rejoint. Et après, je recommence et la balloune remonte. Exactement, c'est d'ailleurs ce qui a été sans doute pas pour ça qu'ils ont pris le symbole du serpent dans l'évolution religieuse. Mais c'est un peu comme ça. La tête avance loin sur plusieurs espèces de serpents, qui n'ont pas d'écailles suffisamment agrippantes, et lorsque le corps avance, la tête recule un peu. Un peu comme les chenilles lorsqu'ils n'ont rien pour s'agripper. Alors, ça avance, mais lentement. Alors, l'homme fait une pointe et il revient pendant que la balloune collective monte. Et l'homme refait une pointe et il revient pendant que la balloune collective monte, parce que la balloune collective le ramène. Lorsque l'homme se dégage complètement de cette attraction collective, l'homme peut évoluer et il ne connaît plus cette pointe. Et c'est un fait remarquable que l'individu qui se conscientise dans son intégrale intelligence ne connaît plus cette pointe. Et lorsque l'homme a encore l'impression que cela vient, c'est qu'il est encore assujetti à une évolution collective. Peut-être de plus en plus limité, regroupé, mais il reste assujetti. Et lorsque l'homme ne sent plus cette pointe et que l'homme voit des transformations sur lui, l'homme est suffisamment individualisé pour que la balloune soit réduite à un strict minimum ou encore pour qu'elle ait éclaté. Et là, lorsqu'elle éclate, l'homme le sait. Alors, donc, c'est simplement parce que l'homme évolue dans une conscience collective, même s'il ne l'a pas intégré consciemment, que l'homme monte et que l'homme descend. Que l'homme monte et que l'homme descend. Lorsqu'on est au bord du gouffre, comme tu disais, où aller puiser l'énergie nécessaire pour ne pas y sombrer? Vous savez que certaines choses, lorsqu'on les fait facilement, c'est facile. Et lorsque l'on répond de cette facilité, cela paraît trop facile pour les individus qui recherchent la réponse et qui ne peuvent pas expérimenter ce mécanisme pour l'instant. L'énergie, on la prend chez soi. Et l'énergie nécessaire à la création du gouffre psychologique, si on la récupère, elle est nécessaire pour créer un escalier et nous faire monter. Alors, en même temps, le gouffre disparaît et en même temps, l'homme apprend. Où prendre l'énergie? Vous l'avez, mais vous l'avez investi dans la création de conflits psychologiques, de guerres psychologiques, de gouffres. Alors, au fur et à mesure que le gouffre disparaît, l'énergie revient. C'est normal, votre énergie, elle était le soutien de ce gouffre. Alors, on ne va pas chercher une énergie ailleurs qui vient détruire le gouffre ou qui vient créer un pont par-dessus le gouffre, parce que le gouffre resterait. Et on ne peut pas aller chercher d'énergie. Lorsque moi, de temps en temps, cela peut m'arriver, lorsque je m'oublie ou je vois un gouffre, ça ne m'arrive plus depuis longtemps, mais lorsque cela m'arrivait, j'observe le gouffre et j'observe tellement bien le gouffre que je vois tellement que le gouffre n'existe pas. N'existe que dans ma psychologie, n'existe que dedans mon vouloir qu'il n'y ait pas de gouffre, n'existe que dedans mon vouloir comprendre et cesser de ne plus comprendre, n'existe que dedans ce genre de vouloir, et le gouffre apparaît, que lorsque je cesse de vouloir, la moitié du gouffre disparaît, et lorsque je cesse un autre vouloir, il n'y a plus de gouffre. Parce que qu'est-ce que c'est le gouffre? Quand est-ce qu'il y a un gouffre devant vous? Lorsque vous désirez aller l'autre côté du gouffre. Seulement. Les murs ici existent, les murs. Mais ils ne vous embêtent pas. Parce que vous ne voulez pas traverser les murs. Mais commencez. Essayez de traverser les murs et vous allez voir qu'ils vont vous embêter. Ils vont même vous marquer. Et plus vous allez vouloir vous entêter à traverser les murs, plus cela va vous marquer. Jusqu'à un moment donné, ou peut-être vous allez traverser le mur. Dans quel état? C'est autre chose, peut-être, avec la souffrance matérielle qui est reliée aux lois régissant les murs. Le gouffre n'existe pas. C'est-à-dire que le mur n'existe pas. Les murs ici n'ont jamais existé pour vous. Vous avez peut-être observé le mur, mais ils n'ont jamais eu de consistance réelle, ces murs. Le plancher non plus n'a pas de consistance réelle. Quand est-ce qu'un plancher a une consistance réelle? C'est lorsqu'il s'effondre sous vos pieds, lorsqu'il y a un gouffre. Ou encore lorsque c'est de l'eau, lorsque vous ne savez pas nager. Lorsque dans votre psychologie, on parle de gouffre psychologique évidemment, lorsque vous avez le désir de quelque chose de bord, il y a un gouffre. Et lorsqu'on n'a plus le désir, il n'y a plus de gouffre. Et l'énergie qui sert à énergiser ce gouffre se transforme en énergie qui vous sert à évoluer, à prendre conscience, à vous améliorer. Donc, l'évolution, c'est ça. Alors donc, comment où prendre l'énergie? Dans le gouffre. En prenant l'énergie dans le gouffre, on démolit le gouffre. Alors, lorsque vous aurez un gouffre psychologique, observez bien Pourquoi ce gouffre psychologique a une importance psychologique pour vos désirs psychologiques? Et lorsque vous allez dire, ben oui, mais c'est parce que je veux absolument avoir une auto, ce qui fait que j'ai pas de char, je me sens mal. Cesse de vouloir avoir un char, t'as cessé de vouloir en avoir un, t'as cessé de te sentir mal. Tu voyageras pas plus vite en auto. Mais il y aura plus de gouffre psychologique. Et l'énergie récupérée pourra peut-être t'arranger, te permettre d'avoir un véhicule. Mais observez bien vos gouffres psychologiques, vos ennuis, vos dépressions, vos déceptions et toutes ces choses-là n'existent dans votre psychologie que parce que vous voulez aller l'autre bord. Et il y a toujours des portes. C'est pas nécessaire de passer à travers le mur. Toujours des portes. Une question qui s'adresse au maître. Te sens-tu esclave de ton savoir, de ta fusion, entre parenthèses, avec un point d'exclamation derrière? D'où tiens-tu ton extra-lucidité? Quand t'es-tu rendu compte que tu étais comme ça? Comme un ovni. Je me suis rendu compte quand je me promenais la nuit puis je flashais. Bon, premièrement, il y a plusieurs questions ici qui me regardent. Te sens-tu esclave de ton savoir? Absolument pas. D'où tiens-tu ton extra-lucidité? Sans doute là d'où je la prends. Et quand t'es-tu rendu compte que tu étais comme ça? Ben, on s'en est rendu compte de ma place. Je m'en suis rendu compte quand j'en suis rendu compte. C'est des questions, disons, qui ne serviraient absolument à rien, qui énergiseraient des choses que je ne tiens pas à énergiser et puis qui me regardent. Qu'existe-t-il en dehors de la dualité bien-mal? Car le bien ou le mal ne sont que du point de vue que l'on en a. Attends, c'est bien difficile à lire ça. Qu'existe-t-il en dehors de la dualité bien-mal? Car le bien ou le mal ne sont que du point de vue que l'on en a. La synthèse serait quoi? Ah ok, il manque un point entre. Il manque une virgule, ouais. Chance que c'est pas trop long, ça t'aurait bien étouffé. Pas de point, pas de virgule. Alors, qu'existe-t-il en dehors de la dualité, bien et mal? Bon, bien évidemment, la dualité, c'est pas juste le bien et le mal, c'est le loin, le proche, le haut, le bas, c'est le sale, le propre, c'est tout ce genre de choses, la dualité. C'est une perception psychologique et qui est tellement bien perçue par l'homme que l'homme la croit matérielle. Alors, la dualité psychologique... créer des problèmes. Regardons bien qu'est-ce que c'est la dualité psychologique du loin et du proche. Parce que certains vont dire que 1 000, c'est loin. D'autres vont dire 1 000, c'est proche. La dualité, déjà, elle est là. C'est proche ou c'est loin? Bien, on ne le sait pas. Ça dépend du point de vue. Et lorsqu'on a, par exemple, un immense bateau qui mesure 1 000 de long. Alors, de temps en temps, une personne part et elle va à pied à l'autre bout du bateau pour lui donner un ordre. Et elle chiale. Et un jour, on réduit le bateau de moitié. Elle a le même travail. Ah, c'est extraordinaire. 1 000 milles. Ça prend le même temps pour aller-retour que ça prenait pour aller. C'est merveilleux. Pour combien de temps? Au bout d'un mois, c'est aussi long. Et on coupe le bateau en deux. Extraordinaire, merveilleux. Pour combien de temps? Au bout d'un mois, c'est aussi long. Et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on fait qu'à un moment donné, vous êtes assis à votre chaise et vous demandez à quelqu'un d'aller vous chercher une cuillère, puis il veut pas. Le tiroir est pas loin. Puis même vous autres, êtes trop large pour y aller. Le tiroir est pas loin. Proche, loin, psychologiquement nuit à l'homme parce que l'homme le conçoit d'une façon dualitaire. L'homme voit la distance comme une chose proche, une chose loin, selon son état psychologique. Qu'est-ce qui existe s'il existe? Est-ce qu'il existe d'autres choses que le bien et le mal? Il existe d'autres choses que le bien et le mal. Or, la dualité, il existe une unité. Et cette unité s'auto-détruit même par son existence. C'est-à-dire qu'il n'existe rien tout en existant quelque chose. Le problème, c'est que je ne peux pas en parler pour l'instant parce que les bases psychologiques ne sont pas suffisamment construites, suffisamment adéquates, pour permettre à cette base psychologique dualitaire d'entrevoir une possibilité non-dualitaire, inexistentielle, tout en étant présente. Donc, la synthèse serait quoi? La synthèse, ce n'est pas l'unification réelle du bien et du mal. La synthèse, c'est un autre point de vue. Qui existe déjà? C'est l'homme. L'homme a déjà une synthèse. L'homme, présentement, a 3 points de vue. L'homme a un point de vue intuitif, l'homme a un point de vue intellectuel et l'homme a un point de vue synthétique qui est l'ego. Et son ego colore la synthèse, son ego colore l'intellect, son ego colore l'intuition, et son ego synthétise les deux formes de conscience. L'homme a une triple conscience, mais l'homme a, disons, une double perception de conscience tout en ayant une triple conscience. L'homme aura toujours une triple conscience. À un moment donné, le triangle qui peut symboliser l'eau en alchimie va se redresser. On aura donc un triangle qui symbolisera le feu. Et l'homme aura une conscience supramentale qui viendra, disons, chapeauter la conscience intuitive et intellectuelle de l'homme. Et l'homme perdra son ego. Mais ce mécanisme présent chez l'homme, l'ego, la conscience intellectuelle, la conscience intuitive, ne peut pas permettre à l'homme de comprendre un mécanisme existentiel réalitaire, non dualitaire. Et lorsque nous parlons de dualité, nous abordons évidemment le contexte pluralitaire. Cela fait partie de la dualité qui est explorée par l'ego. Alors, il y a le mal, il y a le bien, il y a le bien-mal, le mal-bien, un peu moins bien, un peu plus mal. Enfin, il y a tout le schéma, disons, de coloration entre le bien et le mal. C'est la pluralité qui est intégralement reliée à la dualité. Lorsque l'homme aura cette conscience supramentale, lorsque l'homme aura réussi à faire renverser, mais évidemment, on parle de renverser, c'est pas un mécanisme, il faut pas un levier pour ça. Lorsque l'homme aura perdu sa conscience égoïque pour développer cette conscience supramentale, cette troisième forme de vision, lorsque l'homme aura cette conscience supramentale connaîtra la non-dualité planétaire tout en continuant à travailler avec cette dualité. Alors, disons que présentement, l'homme a une trialité réelle qu'il vit, qu'il intègre, mais l'homme va découvrir qu'il existe une autre trialité qui est capable d'accepter d'une façon plus harmonieuse et moins synthétique la dualité intuitive et intellectuelle de l'homme. L'homme vit avec le bien et le mal parce que l'homme intellectualise des mécanismes et l'homme perçoit des mécanismes. De ce fait, l'homme a une vision polarisée, une vision dualitaire du monde dans lequel il vit, une vision intuitive qui lui dit « je crois que c'est ça », et une vision intellectuelle qui lui dit « oui, c'est ça » ou « non, c'est pas ça ». Et la liaison entre les deux va être faite par l'ego qui va dire « je vois que c'est ça, mais je préfère que ce soit ça ». Ça, c'est l'intuition qui prend le dessus. Ou encore, lorsqu'il a une intuition réelle et qu'il a un intellect trop développé, l'ego va faire plus confiance à sa faculté intellectuelle, à cette conscience intellectuelle, et il va être plus intellectuel. Mais l'homme a une trialité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cela ne peut pas être explicable présentement à un homme psychologique, parce que l'homme va le comprendre seulement quand il aura cette trialité supramentale, lorsque l'homme aura renversé, lorsque l'homme aura détruit, lorsque l'ego de l'homme aura été démoli, détruit, et lorsque l'homme aura cette conscience supramentale. De ce fait, je ne peux pas présentement parler d'une façon claire de cette inexistence réelle de la dualité. Certains d'entre vous peuvent prendre conscience qu'effectivement, bien et le mal sont en fonction d'une polarisation de notre psychologie, de ce que nous voulons. Certaines choses sont bien un jour et sont mal un autre jour. Mais qu'est-ce qu'il y a sans le bien, sans le mal, cette voie, ce chemin du juste milieu qui n'est même pas l'inexistentialité de la dualité. Alors, ce n'est pas perceptible, cela va venir lorsque cela sera expérimenté par l'homme et l'homme l'expérimentera, l'homme connaîtra, l'homme aura un savoir de cette non-dualité, disons, de cette existentialité de cette non-dualité inexistentielle, que lorsqu'il aura cette conscience supramentale. Quelle différence y a-t-il entre l'éther et l'aura? Il y a la différence que les mots veulent leur donner. Pour certains, l'éther peut être l'aura. Pour d'autres, l'éther est autre chose. L'éther peut être le corps vital de l'homme. Dans l'ancienne étymologie reliée aux traditions ésotériques, l'éther, le corps éthérique. L'éther peut être le phénomène psychologique, psychoplanétaire, l'astral collectif, l'éther, le ciel. L'éther peut aussi, par relation avec l'énergie vitale planétaire, être l'énergie supramentale collective, non individualisée, qui va permettre la création d'un autre corps au niveau du plan supramental, au niveau du plan éthérique supramental. Donc, l'éther, c'est des choses. L'aura, ben, ça peut être le nom d'une personne. L'aura ce corps, ça c'est bon, dans la conférence sur les corps, ce serait intéressant. L'aura ce corps, oui, effectivement. L'aura, elle existe présentement de deux ordres. Disons qu'on voit plus clairement On voit même très clairement l'aura au niveau du séminaire PMC1 que je donne, étant donné que non seulement on explique ce qu'est l'aura, il y a une aura de type vital qui est l'expression extracorporelle de l'énergie vitale qui maintient les molécules, et au niveau, disons, du séminaire PMC1, la personne voit clairement parce qu'elle arrive même aussi à voir l'aura vitale. Et on a une deuxième forme d'aura qui est aussi visible par des séminaristes ou encore par des personnes qui ont cette capacité s'ils ne l'ont pas développée. Un aura qui est le reflet de l'énergisation moléculaire. La première aura vitale, elle est créée par la circulation de l'énergie vitale dans les méridiens de l'homme, l'énergie yin-yang et hominale. Et lorsqu'une énergie circule dans un conducteur, elle crée un champ électromagnétique qui est la première aura. Lorsqu'une énergie psychologique circule par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins du sang, et c'est important, elle crée aussi ce champ magnétique qui est beaucoup plus subtil que l'énergie vitale et qui, de ce fait, traverse plus facilement la corporalité matérielle de l'homme et s'étend plus loin. Donc, on a un aura qui, par sa vibration, transmise ou exprimée sous forme de couleur dans l'air, peut être visible par l'homme. Donc, on aura l'aura astrale et on a l'aura vitale. L'aura, normalement, étymologiquement, au niveau des traditions, des écoles traditionnelles, c'est surtout l'aura psychologique, astrale et l'aura vitale. Et évidemment, il y a d'autres formes d'aura qui ne sont pas perceptibles encore par l'homme. L'homme maître de l'astral doit-il devenir aussi maître du supramental? Qu'est-ce que c'est l'homme maître? L'homme maître, c'est lorsque l'homme a la connaissance instantanée d'un mécanisme qui crée un événement et de la réponse de l'événement à ce mécanisme. Cela veut dire que l'homme maître a la connaissance globale, instantanée et complète de tout ce qui crée un événement, de tout ce qui sous-tend l'événement, de tout ce qui permet l'événement et de la réaction finale de cet événement, de ce que celui-ci va susciter. Lorsque nous connaissons les mécanismes, du corps physique, nous pouvons savoir que telle alimentation nuit, que telle chose nuit, que lorsque une balle de baseball se dirige à toute vitesse vers votre nez, que cela va nuire et automatiquement, si on peut, on se tasse. Sinon, psychologiquement, on reste figé dedans, criant, puis on crie encore plus fort quand le résultat est accompli. Bon. Être le maître de l'astral, cela veut dire être désassujetti de l'astral et fonctionner avec l'astral selon les critères écologiques qui sont directement reliés à la faculté d'expression de l'astral. Être le maître du supramental, cela veut dire travailler en collaboration avec le supramental selon les lois supramentales. Donc, on ne maîtrise jamais rien en fin de compte. Mais on n'est jamais maîtrisé en fin de compte. De ce fait, l'homme est son seul maître. Lorsqu'un grand maître manipule les autres, il n'est pas son maître. Lorsque je dis manipuler l'astral, il faut bien comprendre que nous allons instruire l'astral. Et l'astral a des fonctions. Et lorsque nous allons obliger l'astral à agir dans ses fonctions, nous allons apparaître comme des maîtres, comme des dieux. Parce que l'astral attend après ses dieux. Et lorsque nous allons entrer en contact avec l'énergie supramentale, pendant un laps de temps, nous allons être manipulés par l'énergie supramentale jusqu'au jour où nous allons cesser cette manipulation supramentale. Nous ne dirigerons pas le supramental. Nous allons accepter la communication lorsque cela nous plaît. Nous allons la refuser lorsque cela ne nous plaît pas, lorsqu'il nous embête. Ça peut arriver. Et nous allons, à un moment donné, créer une énergie propre à nous, une énergie totalement supramentale qui nous permet de voir clair dans le monde supramental. De ce fait, nous ne sommes plus manipulés. Mais nous ne manipulons pas. Nous travaillons en collaboration au niveau du plan supramental, c'est-à-dire que nous savons, sans parler, sans communiquer, ce qui doit être fait et ce qui se refera. Mais lorsque l'énergie supramentale descend dans la matière et qu'elle touche l'homme, de par l'expression médiocre de l'homme à quelque chose de neuf et d'apparemment supérieur, celui-ci se met en dessous. Et lorsque celui-ci se met en dessous de l'énergie supramentale, il oblige celle-ci à manipuler l'homme. Donc, l'homme est manipulé pendant un laps de temps par l'énergie supramentale. Pas longtemps. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que de devenir le maître. Cela veut dire d'être son maître.